On ne la sait pas prêteuse, la fourmi, mais son moindre défaut est surtout de rester bien mystérieuse. Bien que la communauté scientifique fourmille de chercheuses et chercheurs en myrmécologie, leur travail de fourmi ne suffit pas à percer tous les mystères de ces insectes sociaux. À notre micro, nous invitons deux d'entre eux à nous conter ce que l'on sait déjà sur ces fantastiques arthropodes et ce qu'il nous reste à découvrir. Vous êtes bien sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 18 mai 2022 pour l'émission 474, où nous parlerons de l'Odyssée des fourmis. Vous en êtes enchanté, j'en suis fort aise, et bien, écoutez maintenant. Et ce soir, nous avons une table uniquement virtuelle autour de laquelle nous avons celui qui, comme une fourmi tisserande, s'assure que tous les fils soient en bon état et bien connectés, Pascal à la technique depuis l'Alsace. Bonsoir tout le monde. Celui qui, comme une fourmi moissonneuse, m'a assisté dans la récolte de questions pour préparer cette interview, Cléora depuis la Normandie. Bonsoir à tous. Celui qui, comme une fourmi légionnaire, s'aventure loin du nid douillet de sa discipline qu'est l'astrophysique, Johan depuis Paris. Salut. Et enfin moi-même, Topo, depuis Paris, qui, comme une fourmi esclavagiste, a recruté les susnommés membres pour participer à cette émission, de gré ou de gré, hein, et joue le rôle de MC de la soirée. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux chercheurs de Toulouse qui ont récemment publié un livre aux éditions Grasset et qui s'intitule « L'Odyssée des fourmis », Audrey Dussutour. Bonjour. Et Antoine Wistrach. Bonjour. Alors, pour commencer, arrêtez-moi si je me trompe, Audrey Dussutour et Antoine Wistrach, vous travaillez tous les deux au Centre de Recherche sur la Cognition Animale. C'est bon pour l'instant? On vous arrête tout pas. Tout à fait bon. Vous êtes donc éthologue, et si l'on connaît souvent bien la passion d'Audrey pour l'organisme unicellulaire Physarum polycéphalum, c'est autour d'un autre, alors donc celui qu'on appelle le blob, hein, c'est autour d'un autre organisme que vous vous êtes retrouvé pour écrire un livre, La Fourmi. C'est bon, j'ai tout bon? Tout à fait. Parfait. Tout juste, 20 sur 20. Merci bien. Mais avant de parler du livre, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je crois que j'ai vu Audrey avant qu'elle m'ait vu. La première fois que j'ai vu Audrey, elle était sur une scène devant, je crois, 700 personnes en train de faire... elle était toute jeune chercheuse et elle avait déjà été invitée pour faire une conférence plénière, c'est-à-dire parler pendant une heure de toutes ses recherches. C'était à Rennes, dans une grande conférence d'éthologie qui avait lieu en France, donc une conférence internationale, et j'étais un peu bluffé par la qualité de sa présentation, et j'ai eu la chance de boire une bière avec elle. Oui, c'était en 2009, mais après on s'est revus, plein de fois, on s'est revus en Australie, puisqu'Antoine a fait sa thèse en Australie, et moi j'avais fait mon postdoc, et du coup j'étais revenue, qu'on a bu des bières, on boit souvent des bières avec Antoine. Donc on s'est vus en Australie, puis après j'ai été le voir à Brighton, c'est ça, hein, dans le sud de l'Angleterre, là où il faisait son post-doc, on a eu aussi bu des bières, et puis on a beaucoup échangé, parce que je savais qu'Antoine, forcément, est un chercheur brillant, et j'avais absolument envie qu'il soit recruté dans notre laboratoire, et donc je l'ai supplié presque de postuler dans notre laboratoire, et du coup j'ai suivi en fait au début sa carrière, et maintenant on est tout à fait partenaires, on est dans le même couloir, on est presque dans la même rue. On aurait presque pu faire le podcast ensemble, en réalité. Puisqu'on est vraiment à même pas 10 minutes à pied l'un de l'autre. Ouais, je dois beaucoup à Audrey. Hein. Elle était un bon mentor pour arriver à obtenir ce job et puis d'autres récompenses aussi. Ouais. Donc, merci. Hein. Et en plus, un projet donc d'écriture ensemble qui est facilité probablement par la proximité de pensée, mais aussi donc physique sur la même ville. Alors, on va en parler de ce livre. Sans surprise, ce livre va nous parler de fourmis. Mais comment recouvrir sous la même bannière le même mot de fourmis, des espèces extrêmement différentes à retrouver parmi les 13 000 répertoriés aujourd'hui? Et je vous ai entendu souvent évoquer le fait qu'il y en aurait probablement 25 000 véritablement dans le monde. Et votre parti pris, ça a été de sélectionner plus de 70 espèces très différentes les unes des autres, mais partageant le fait d'avoir dans leur rang une caste ou de vieilles ouvrières qui vont être essentiellement fourrageuses. Alors comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble pour écrire ce livre et choisir cet angle d'approche précis. Alors l'idée du livre, elle vient pas de nous en réalité, elle vient de Mathieu Vidard. Antoine et moi avons été invités à une émission sur France Inter pour la Tête au Carré à l'époque, et on avait parlé fourmis, et à l'issue de cette émission, Mathieu Vidard nous a dit bah, « ça vous dirait pas d'écrire un livre ?» sur les fourmis. Alors nous, on était hyper emballés parce qu'on était tous les deux très fans de Mathieu Vidard déjà. Et donc en plus, c'était un projet hyper chouette. Et je me rappelle parce qu'on avait voyagé ensemble pour le retour. On avait plein d'idées pour faire ce livre. On avait même imaginé soit ton propre chercheur et observe toi-même tes propres fourmis. On avait eu plein d'idées comme ça. Et très vite, en fait, Antoine et moi, on s'est aperçu qu'on travaillait sur les mêmes fourmis, c'est-à-dire les fourrageuses. Lui comme moi, on travaille sur finalement la récolte de nourriture. Antoine plus comment elle navigue dans l'espace et moi comment elle ramène de la nourriture au nid. Et donc on s'est dit, finalement personne parle de ces fourmis là et finalement elles ont la tâche la plus importante de la colonie quasiment. Donc ça serait intéressant de leur dédier un livre. Après le fait qu'il y ait des fourmis qui sortent du nid chercher la nourriture, je pense que c'est un point commun à toutes les espèces. Choix des 75 espèces, elles viennent surtout de la littérature scientifique, parce que forcément, la grande majorité des fourmis, il n'y a aucune recherche dessus. Et la littérature sur la recherche des fourmis est très riche, mais loin d'arriver aux 13 000 espèces recensées, bien sûr, il y a juste leur nom, en gros. Il y a ces espèces clés sur lesquelles on sait pas mal de choses, parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus, donc c'est comme ça qu'on a fait notre sélection. Très bien, très bien. Et ça répond à une de mes questions que j'avais réservée pour un peu plus tard, c'est comment s'est organisée la préface et... / introduction de Mathieu Vidard. Si vous a soufflé l'idée, j'imagine qu'il s'invitait aussi sur, sur le livre. En réalité, c'est notre directeur de collection, donc c'est lui qui nous a guidé tout le long de l'écriture, qui nous a donné des retours sur nos idées, tout ça. Donc en fait, il a suivi et il a été, on le remercie, extrêmement patient parce qu'on a été extrêmement en retard sur l'écriture parce que Antoine comme moi, et comme toi, on est chercheurs et on n'a pas beaucoup de temps pour forcément l'écriture de livres et on a pris énormément de retard et donc les éditions Grasset et en particulier Mathieu Vidard ont été vraiment vraiment patients parce que je crois qu'on l'a rendu avec 2 ans de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Très bien, je vois que sur les chapeaux de roue, la chatroom, donc on est en live, il y a des questions des auditeurs qui se posent direct une question très importante. On a appris que vous aviez un penchant pour la bière et une des questions c'est est-ce que les fourmis boivent de la bière? C'est une bonne question. En tout cas, je peux garantir qu'elles aiment bien les petits punchs, parce que quand on va sur le terrain en Guyane, et donc le soir, après avoir passé la journée dans la forêt, on est dans ces espèces, vous savez, de carbets, donc ces maisons sans mur, en fait, juste sur pilotis. Et là, forcément, il y a encore des milliers de fourmis qui sont tout autour de vous. Et en Guyane, le soir, c'est de coutume de se faire un petit punch, donc il y a du sucre de canne. Et à chaque goutte qui tombe sur la table, on voit effectivement, comme on voit souvent, les fourmis en couronne qui se mettent autour et qui nettoient la table pour nous. Pour la bière, j'avoue pas avoir d'anecdote, je suis pas sûr qu'elles aiment ça. C'est calorique, donc si la partie alcool peut les repousser, mais la partie riche en sucre peut-être les attirer. Ouais, ça dépend quelle bière, je pense. Surtout quelle espèce de fourmi, parce que clairement, on a des espèces qui vont sur le sucre, d'autres qui préfèrent le gras de saucisson. En fait. On a un sujet d'étude tout. En tout cas, déjà préparé, c'est parfait. Alors, avant de rentrer justement dans les détails de la biologie de l'organisme, je voulais parler encore un tout petit peu de l'ouvrage et notamment sa structure. Dans le sommaire du livre, on nous prépare à l'odyssée que vont accomplir les fourmis et qui est découpée en épreuves. Sortir, s'orienter, trouver sa nourriture, exploiter la nourriture, transporter, s'adapter à l'environnement, profiter des autres, défendre son territoire, se protéger des ennemis, attaquer, contre-attaquer, choisir et optimiser, secourir, soigner et enfin le destin ultime, la mort. Donc ça, c'est une belle odyssée qui s'annonce à nous. Et pourtant, les sous-titres n'ont rien à voir et correspondent à des titres de films, ce qui amène aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi ce choix? Comment avez-vous choisi les films? Et est-ce que vous avez inclus vos films préférés? Je veux bien répondre. Le choix des épreuves, effectivement, il y avait une logique par rapport à l'odyssée. L'idée des films vient d'Audrey quand même, avant tout. Mais le choix des titres de films, il fallait surtout, c'est du premier degré direct. On n'a pas cherché un sens caché dans ce que veut dire vraiment le film. C'est juste qu'il fallait que le titre du film ait un lien avec ce dont quoi on parle dans le chapitre. Quoi. Et comment les sélectionnez-vous? Des fois, ça avait un lien très, très éloigné. Par exemple, il faut le chercher des fois. Donc ça, c'est assez drôle dans les chapitres. Par exemple, la communauté de l'anneau. Et donc, moi, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et donc, la communauté de l'anneau, c'est juste parce que les fourmis elle porte un Cheerios à un moment donné, collectivement. Et donc, il y a ce côté d'anneau. Et donc, des fois, c'est évident. Par exemple, les dents de la terre. Voilà. Mais il y a des fois, c'est un peu plus subtil. Mais clairement, on a beaucoup cherché. On passait notre temps avec Antoine à taper des mots-clés dans Allociné en disant « Ah, ça collerait bien. Ah, ça, c'est pas mal. » Mais on d'accord, est parti sur les 12 épreuves, c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule, quoi. Et c'est pour ça qu'on en a choisi 12 exactement. Ok, donc le protocole, c'est chercher sur Allociné des mots-clés pour pouvoir coller. Non, mais c'est parfait. Et franchement, quand on trouve le bon titre, on sait qu'on l'a trouvé, mais il n'y a pas d'hésitation. Exactement. Il y a des fois où ça fait « Ah, c'est parfait !» Comme Alerte à Malibu. Voilà. Très joli, très joli. J'allais vous poser question sur vos films préféré dont les protagonistes sont des fourmis ou le plus rigoureux scientifiquement, je sais pas si vous avez des idées ou après je sais pas s'il y en a qui sont vraiment rigoureux, mais il y en a parfois qui m'ont surpris par la justesse en fait de l'anatomie, par exemple dans Ant-Man. D'accord. C'est un peu n'importe quoi les fourmis, mais l'anatomie est hyper bien respectée et c'est assez bluffant. Mais c'est vrai que on parlait de minuscules. Enfin, moi, mon préféré, c'est minuscules. Si on doit choisir un film sur les fourmis, ça serait minuscules. Oui. L'histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire des fourmis avec la petite coccinelle, qui est sans parole. Je la préfère à Hans et Mille Pattes parce que Hans et Mille Pattes, donc le héros, c'est un héros. Vous voyez, j'ai dit le héros parce que c'est un héros. Et c'est pourtant une ouvrière. Or, ça n'existe pas une ouvrière mâle. Et pourtant, ils en ont fait, ils avaient la parfaite opportunité pour faire une héroïne. Vu d'accord. que les ouvrières dans une colonie, ce sont des femelles. Et pourtant, ils ont pris le parti pris de faire un héros mâle. Ouais. Alors que c'est même pas biologiquement possible. Donc ça m'a gêné un tout petit peu parce que c'était une opportunité en or de pouvoir, en fait, finalement, faire un dessin animé autour d'une héroïne et ils l'ont pas pris. Eh ben voilà. Paf. Oui. Disney et DreamWorks, les deux. Et dans Mille et une pattes, je vérifie effectivement dans Mille et une pattes, les fourmis ont que 4 pattes en plus au lieu de 6. Ouais, oui. C'est vrai? Erreur grossière. Oh là là. Alors là, ça c'est bon. Irrécupérable. Très bien. Écoutez, justement, parlons de la fourmi, de sa biologie et des insectes de manière générale. D'ailleurs, il y a un des passages dans lequel vous dites que réhabiliter les insectes aux yeux du public, c'est un but annoncé. Quel message souhaiteriez-vous que vos lecteurs retiennent, d'ailleurs, à ce propos, sur les insectes et de manière générale et l'importance qu'ils ont dans notre monde? C'est peut-être la complexité insoupçonnée, la richesse de leur monde subjectif, qui est du coup essayer à travers cette connaissance d'inspirer un peu de respect et d'humilité. Ouais, surtout l'humilité parce qu'on voit que ce sont des organismes capables de résoudre des problèmes qui peuvent nous apparaître relativement complexes, mais aussi qui ont une importance fondamentale dans l'écosystème. Et dans le dernier livre d'Edward Wilson, qui est décédé récemment, il dit d'ailleurs que la question qu'on lui posait le plus souvent, et je crois que c'est pareil à Antoine et à moi, c'est comment on se débarrasse des fourmis. Et lui, il répondait toujours « Apprenez à vivre avec ». Et je trouve ça joli parce qu'il dit « Apprenez à vivre avec, observez-les et devenez des myrmécologues ». Et je trouve ça joli parce qu'en effet, vous avez l'opportunité devant vos yeux de découvrir un tout autre monde. Mais plongez dans cette opportunité. Vous allez voir finalement un film de science-fiction en les regardant. Et je trouve ça assez joli comment il répondait « Apprenez à vivre avec ». Ouais, même bien plus qu'un livre de science-fiction, c'est une collection diverse de livres science-fiction qui partent dans des sens différents. Et ça, c'est un autre point aussi. C'est moi, ce qui m'impressionne, c'est ces sortes de mise en abîme quand on réalise la diversité. Du coup, c'est vraiment cette diversité. Là, on parle juste de quelques fourmis et ça donne déjà un panel de choses complètement différentes. Donc, ça peut nous permettre d'imaginer ce que c'est que la nature, cette diversité incroyable quand on s'est déconnecté un peu dans notre société. Oui, c'est clair, parce que le mot, en fait, fourmi, ça vient de la famille, des formicidés. C'est comme si on réduisait la famille des hominidés à un seul mot, c'est-à-dire que derrière gorille, orang-outan, chimpanzé, humain, on mettait un seul mot. Ça nous paraîtrait aberrant. Ouais, ouais, ce serait dire, pour n'importe quel mammifère, c'est un mammifère, voilà. C'est un peu réducteur. Cléora, tu avais une citation à nous soumettre. Oui, on parlait d'humilité, d'intelligence humaine par rapport aux fourmis, mais justement, vous avez écrit dans les premières pages. Donc, je vous cite, hein, ce que les études en laboratoire cherchent, ce n'est pas l'intelligence des fourmis, mais des traces de l'intelligence humaine chez les insectes. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus là-dessus, avec quelques commentaires? Oui, ça, c'était une petite remarque. C'est pas les études en laboratoire en général, mais certaines études et certaines approches. Et moi-même, j'ai commencé à étudier les fourmis avec une approche très anthropomorphique, en fait, qui est la psychologie expérimentale, où la question souvent vient de l'introspection humaine. Par exemple, on a une mémoire. Est-ce que les animaux ont une mémoire? Donc, c'est pas forcément idiot, hein. Et d'ailleurs, ça a apporté beaucoup de choses, ce genre de recherche. Mais finalement, quand on creuse et quand on arrive sur un insecte, on voit beaucoup d'études où on va pas du tout considérer ce que fait l'insecte naturellement. On va chercher à le mettre dans une arène la plus simple possible, ou parfois complètement séquestrée, et essayer de regarder qu'est-ce qu'il peut apprendre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une approche vraiment où la question vient purement de notre introspection. Donc c'est dans ce sens-là qu'on cherche l'intelligence humaine chez les insectes. À l'inverse, il y a d'autres approches, historiquement, qui sont plutôt une dérive des naturalistes, qui au contraire regardaient l'insecte ou l'animal même dans son monde naturel pour essayer de comprendre ce que lui fait, quelle est sa tâche. Et aujourd'hui, il y a des courants qui dérivent de cette approche-là. Et celui dont on parle dans le livre, on essaie de mettre ça en avant, justement, regarder la spécificité de chaque espèce, quelle est son intelligence à elle, et qui parfois peut nous dépasser de loin, en fait. Et on découvre des intelligences qui sont supérieures à la nôtre sur leur tâche à elle. Eh ben, malgré tout, je vais rebondir sur quelque chose qui m'a surpris comme similitude avec l'intelligence humaine, ou en tout cas l'anatomie humaine. J'ai découvert que, dans votre livre, le cerveau des insectes et notamment des fourmis, comme les humains, était composé d'air cérébral. Et est-ce que vous savez si ça s'étend à d'autres espèces? Le fait qu'il y ait des véritables aires cérébrales dans un cerveau, parce que là, on est quand même à des centaines de millions d'années d'évolution séparées, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est une convergence un petit peu, on va dire, nécessaire, dans le sens où si on avait un cerveau sans aires cérébrales, c'est-à-dire que tout serait à peu près connecté à tout aléatoirement. Un petit peu d'ailleurs, comme le deep learning ou les approches de l'intelligence artificielle classique, où on fait des réseaux entièrement connectés plutôt que des aires et des clusters. Encore une différence. L'avantage des clusters, je pense qu'il est assez clair, on a à peu près bien compris, c'est que, alors forcément un cluster, c'est-à-dire une région cérébrale, pardon, ça va être simplement la conséquence anatomique que certains neurones sont plus reliés entre eux et moins reliés à d'autres. Donc en fait, ça crée des centres indépendants qui vont faire des computations très spécifiques. Et l'avantage de ça, d'avoir, en gros, c'est de la modularisation, d'avoir plusieurs modules. L'avantage de ça, c'est simplement qu'en changeant la connectivité entre ces groupes de modules, mais sans changer ce qui se passe dans le module, on peut avoir des choses complètement différentes qui sortent au final, sans avoir besoin de tout changer. Si vous avez un réseau complètement connecté, donc sans aire cérébrale, si vous l'optimisez pour faire une tâche, il va falloir complètement tout changer depuis le début pour faire une autre tâche. L'évolution, elle va justement sélectionner des choses qui sont plastiques, flexibles et qui peuvent rapidement changer, et ça implique la modularisation. Donc ça, c'est une conséquence qu'on va retrouver, j'ai envie de dire, chez pratiquement toutes les espèces qui ont des neurones, ou du moins ce qu'on peut qualifier un cerveau, mais même un ganglion contient des petites sous-régions et des régions, la partie extérieure, la partie intérieure. C'est vraiment quelque chose qu'on voit partout, ouais. Et donc, je ne sais pas, hein, je me demande, et peut-être que vous n'avez pas la réponse à ma question, mais chez d'autres organismes avec des gros cerveaux, on va dire, comme par exemple les poulpes, il y a aussi des aires cérébrales Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, ça répond à ma question. Il y a vraiment une... Si trois espèces vraiment très très séparées ont cette structure-là, c'est que ça, a priori, c'est un bricolage évolutif qui fonctionne, quoi. Ouais, ah oui. Je pense que du moment où on utilise le mot ganglion cérébral ou cerveau, il y a des aires en réalité, parce que chez des organismes comme l'hydre de mer ou des organismes qui ont en fait, on parle plus de système nerveux, on va pas parler de système central, parce que c'est complètement distribué, en fait. Les hydres, par exemple, elles ont des cellules neuronales tout le long, en fait, mais c'est pas du tout spécialisé, il y a pas de modularité chez elles. En fait, c'est juste un tissu neuronal. Ok, et pourtant il y a des aires. Pas vraiment, il y en a partout. Là, pour le coup, il n'y a pas de modularité. D'accord, ok. Non, pas chez les hydres de mer, mais c'est les premiers organismes à développer des systèmes nerveux. Donc. Ouais, c'est parce qu'il y en a tellement peu qu'on ne peut même pas définir un module, parce que chaque neurone va faire son action, quoi. C'est ça. Donc, la question ne se pose même pas à ce niveau-là. Mais c'est pas un peu pareil avec les fourmis, on a quand même des zones de ganglions un peu sur toute la fourmi, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est modularisé, discrétisé, mais tout est connecté entre eux. Enfin, chaque module est connecté avec les autres, mais au sein d'un module, il y a énormément de neurones connectés entre eux, donc ils se sont retrouvés proches spatialement. Mais l'idée de décentraliser un petit peu l'intelligence, donc ce type de computation, on le fait là, ce type de computation, on le fait là. C'est ça qu'on retrouve vraiment partout. Antoine, vous avez encore la parole. Vous avez évoqué dans votre livre une fourmi, et on l'a appris dans plusieurs de vos interviews, que c'était votre fourmi favorite, Gigantiops destructor. Et vous parlez donc de protocole d'orientation avec cette fourmi-là en particulier. En gros, en quoi ça consiste et quels sont les résultats les plus contre-intuitifs les concernant? Ma fourmi préférée, j'ai essayé de varier, mais effectivement, il y en a eu deux. Ah, d'accord. Gigantium destructeur, donc ça va faire trois. Bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle est géniale. Je pense pas qu'elle ait quelque chose de particulier dans la façon dont elle organise l'espace dans sa tête, dans la façon dont elle, dont son cerveau va organiser la vision pour apprendre des routes. Il y aura beaucoup de fourmis, ce sera très similaire. Par contre, elle le fait, au niveau supérieur par rapport à la plupart des espèces. C'est-à-dire que si vous avez, alors les résultats, en fait, il y a eu peu d'expériences en vrai sur Gigantium sur le terrain, il y en a eu beaucoup sur le laboratoire. Alors qu'il y a d'autres espèces, c'est l'inverse. Mais on voit au final que tout se recoupe. Mais dans les résultats contre-intuitifs, pour répondre spécifiquement à la question, j'ai une histoire marrante parce que moi, dans ma première étude que j'avais fait avec cette espèce, du coup au labo, je leur faisais apprendre à retrouver un coin dans une arène rectangulaire de 80 cm sur 40 cm, un rectangle. Elles arrivent au milieu et elles doivent trouver un coin pour sortir. Et normalement, c'est une tâche impossible parce que dans un rectangle, on peut pas faire le distinguo entre un coin et le coin qui est diamétralement opposé. Il y a rien qui permet de distinguer ces deux coins si on est désorienté à la base. Et j'arrivais pas à y retrouver toujours le même coin. J'arrivais pas à leur faire prendre un rectangle pour un rectangle. Il y avait des repères cachés qu'elles utilisaient que j'arrivais pas à découvrir. Et au final, j'ai trouvé, malgré le fait que j'avais tout emballé dans des cartons, j'avais mis des autour du rectangle, j'avais essayé vraiment d'empêcher les repères externes d'agir, il y avait tout de même un gradient lumineux que j'ai réussi à enlever en mettant une lumière très forte à l'intérieur, bien homogène, et là, elle commençait à faire enfin cette erreur de diagonale. Donc ça, c'était pour montrer à quel point elle pouvait percevoir un gradient lumineux bien au-delà de ce que notre œil pouvait percevoir. Donc, ah, pas mal. Ok. Donc force. Ouais, ok. Fortiche. Vous évoquez là des travaux qui se passent au laboratoire, mais il y a aussi des études qui ont été réalisées sur le terrain. Vous en avez fait? Comment ça se passe? Vous avez évoqué certaines destinations pour l'instant, la Guyane. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, j'ai fait la plupart de mon terrain, soit en Australie, soit autour de Séville, qui sont un point commun d'être deux zones arides. Et on retrouve des espèces, alors des espèces qui évolutivement sont très séparées, mais écologiquement, du coup, sont un peu dans le même genre de milieu aride, et vont converger sur des stratégies assez similaires qui sont, je sors quand il fait très très chaud, c'est-à-dire que les prédateurs sont cachés, et donc j'ai des prédations, les compétiteurs sont dans le nid, donc j'ai plus de compétiteurs, donc il n'y a plus que cette espèce en fait qui est active pendant les heures chaudes de l'été, et leur rôle c'est d'aller récupérer les petits insectes grillés qui, eux, n'ont pas survécu à la chaleur. Et ces espèces-là, typiquement, que ce soit en Australie ou autour de Séville, elles ont un peu la même morphologie avec des longues pattes, elles courent très très vite, et elles sortent en solitaire, et elles se fient typiquement à la vision pour apprendre des routes visuelles. La raison pourquoi elles utilisent fortement la vision, alors il y a beaucoup d'espèces qui utilisent la vision, c'est d'une, ça va plus vite, parce que suivre une piste chimique, ça implique de baisser la tête, d'avoir les antennes écartées, de faire beaucoup de zigzags, alors suivre la vision, ça permet de courir avec la tête haute, ça permet d'aller plus vite. Deux, une piste chimique, ça peut être détecté par des prédateurs ou des compétiteurs, donc, et ça coûte cher aussi à produire, donc si on peut l'épargner. Trois, il fait chaud sur le sol, ça s'évapore rapidement, donc ça vaut pas le coup. Et même quatre, j'ai envie de dire, c'est des espèces qui vont chercher des petits insectes grillés, comme j'ai dit, et donc c'est rarement un gros tas de nourriture, c'est plutôt plein de nourriture autour du nid, donc vaut mieux se disperser. Il vaut mieux aller dans des directions différentes. Et du coup, c'est des espèces idéales pour nous parce que quand on les étudie sur le terrain, il n'y a pas d'interaction avec les autres. Donc, elles sont toutes seules tranquilles. Elles courent vite, donc ça va vite. Et on peut contrôler leur motivation très facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture de base. Donc, il suffit de mettre un petit bout de cookie quelque part. Elles vont finir par le trouver. Il va y avoir une fourmi, la fourmi A, qui va être habituée à votre bout de cookie à cet endroit-là et qui va commencer à naviguer. Et là, vous pouvez changer l'environnement, la déplacer, lui courir l'œil en fonction des questions que vous avez pour essayer de comprendre vraiment comment elle fait pour retrouver son chemin. Et vous, Audrey, du coup, vous avez fait essentiellement des études en laboratoire ou plutôt sur le terrain? Je suis une bête de laboratoire. Mais le seul terrain que je fais, c'est quand je vais récolter les fourmis. C'est souvent là que les accidents arrivent, en réalité. Pour moi, parce que je me suis fait piquer plein de fois, surtout en Australie, parce que j'ai récolté des fourmis en Australie énormément, bien sûr. Simplement parce que les espèces sur lesquelles je travaillais en France n'existaient pas, hein, en Australie. Et surtout, il a fallu que je fasse des choix. À l'époque, quand je travaillais en Australie, je travaillais sur la nutrition chez les fourmis. et je voulais absolument trouver une espèce qui ne fasse pas de prophylaxie, c'est-à-dire des échanges buccaux de nourriture. D'accord. Pour pouvoir vraiment traquer où passer la nourriture. Et souvent, du coup, c'est des fourmis qui sont pas très sympathiques. Ah. Et comme j'avais un livre qui s'appelait Australian Ants, je m'en rappelle, mais il précisait pas la douleur de la piqûre, forcément. Et je me suis fait avoir plus d'une fois. Bon, on se fait vite avoir en Australie parce que de toute façon, beaucoup d'espèces d'insectes sont dangereuses en Australie. Et donc, il m'est arrivé des mésaventures comme ça de terrain. Mais non, en réalité, moi, mes expériences, je les mène au laboratoire. Parce que le comportement collectif, c'est assez difficile, en fait, à étudier sur le terrain. Parce que, ben voilà, on filme beaucoup. Et il y a que les fourmis légionnaires, en fait, qui sont étudiées beaucoup sur le terrain, même pour les comportements collectifs, parce qu'elles s'élèvent très, très mal en laboratoire. Donc, dès qu'on a une contrainte sur l'élevage, ou par exemple les fourmis coupeuses de feuilles sont beaucoup étudiées, même au niveau collectif sur le terrain, parce qu'elles ont des routes bien déterminées qu'elles utilisent tous les jours, donc ça va être facile de poser une caméra là. D'accord. Et pour d'autres comportements, c'est beaucoup plus difficile. Je me permets une petite digression, vous évoquez plusieurs fois dans le livre l'échelle de Schmidt, donc l'échelle de piqûres de plusieurs insectes, de guêpes, etc. Vous avez par curiosité regardé quelle était la description et le niveau des piqûres que vous avez subies en Australie? Ouais, moi pour les Rhytidoponera, c'était vous croyez que vous mangez un poivron et en fait c'est un piment hyper hyper fort à jalapenos. C'était exactement ça parce qu'au début, j'en avais plein sur mon bras, mais c'était par centaines parce qu'en fait je fais la connerie de mettre ma main dans une fourche d'arbre et je tâtais les feuilles mortes comme ça et d'un coup elles sont montées. Au début j'ai pas trop paniqué, je les ai poussées un peu comme ça, c'était un peu accroché et c'est après que d'un coup ça a brûlé, mais un truc de fou. Et mon bras est devenu double du volume et surtout dur comme de la pierre, quoi. Un peu violacé et dur, quoi. Et les Australiens se moquaient de moi et disaient, ah, on va devoir te l'amputer, tout ça, parce que ça, et en fait, mon chef disait surtout, ne gratte pas, parce que c'est le pire, en fait. Parce que plus tu grattes et plus tu vas avoir envie de te gratter. C'est exactement ça, quoi. Donc c'est resté une semaine et après ça a été gagné. Une semaine. Ah, bah, disons. Bah, ouais, d'accord. Mais j'avais eu 100 piqûres quand même, donc c'est normal. Joli. Joli palmarès. Donc après, essentiellement au laboratoire, ça se comprend. ça me paraît une bonne idée de rester en laboratoire après cette mésaventure. Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire l'introduction de Mathieu Vidard de ce livre qui parle d'une autre mésaventure justement en Amazonie. Non, c'est pas en Amazonie. Non, en Afrique. En Afrique. En Afrique, voilà. Parce que c'est sur les Dorylus. Ouais, ouais. Les fourmis légionnaires africaines. Exactement. Ouais, je me suis trompé d'anecdote. Cléora, tu avais une question sur la vision de la fourmi. Ouais, moi je voulais revenir justement sur la vision de la fourmi, parce que moi, en petit noob qui connaît rien sur la fourmi, je pensais que elle fonctionnait juste avec les odeurs et les phéromones, mais j'ai appris donc maintes et maintes fois donc dans le livre, comme vous l'avez dit Antoine, que se repère beaucoup avec la vue. Mais du coup, au niveau de la vue, comment ça marche du coup? Est-ce que c'est un œil comme nous ou comment ça marche? Donc les yeux des arthropodes en général, donc aussi des fourmis, des abeilles, de tous les insectes, pour ceux qui ont des yeux, c'est les yeux à facettes, hein, typiquement, une mouche, voilà, typique. Mais alors si la structure est très différente de la nôtre, parce que chaque facette a tout ce qu'il faut pour être un petit œil, donc elle a sa propre lentille, elle a sa propre son propre récepteur. Enfin d'ailleurs dans chaque omatidie, il y a 7 à 9 récepteurs en fonction des espèces de différentes couleurs. Donc c'est comme si c'était des milliers de petits yeux, mais chaque omatidie, donc chaque facette pointe dans une direction adjacente à ses voisines, ce qui fait que c'est l'ensemble de l'œil qui forme une seule image. C'est pas 1000 fois la même image, ce qui serait complètement inutile. Donc ça forme au final une seule image qui est interprétée par le cerveau. Alors la différence, c'est que d'une manière générale, c'est une résolution très très basse, parce que la raison elle est simple, c'est parce que vu que c'est fait comme ça, vu que ça converge à l'extérieur, c'est une sorte de bol qui va vers l'extérieur. Si vous voulez augmenter la résolution, il faut que les facettes soient parallèles les unes aux autres, et ça impliquerait un rayon infiniment grand. Donc rien que du fait de cette constitution, ils ont déjà une contrainte morphologique sur la résolution, et ça amène des résolutions qui sont à peu près 100 fois plus basses que la plus haute résolution que nous on peut avoir. Mais au final, c'est pas un problème pour les insectes. Et d'ailleurs, cet œil leur donne un avantage, parce que l'avantage d'avoir plein de facettes, c'est qu'on peut modeler l'œil en fonction des régions de l'espace dans lequel il pointe. Et donc, par exemple, une partie des facettes qui pointent vers le ciel vont être spécialisées pour détecter des repères célestes, comme la lumière polarisée et l'UV, pour donner une notion de compas, donc très spécifique sur non seulement ce qu'il détecte, mais ce qu'il va donner comme information et ce qui va permettre un comportement d'orientation. À l'inverse, vous avez d'autres omatidies au sol qui sont beaucoup plus larges et qui permettent de détecter le flux optique. Donc, ils vont être spécialisés pour ça. Donc, ils changent d'anatomie concrètement pour s'adapter à la fonction. Donc, le flux optique, c'est simplement le défilement de l'image qui, pour une fourmi, va être sous ses pattes, donc vers le sol, et qui va lui donner une notion de vitesse à laquelle elle se déplace. Vous avez, par exemple, les prédatrices qui vont pouvoir développer juste la région avant de leurs yeux pour pouvoir converger vers la proie et avoir une notion des profondeurs. Donc, ça permet à l'évolution de jouer de façon comme de la pâte à modeler, en fait. Alors que quand on a que des yeux comme nous, un œil de type caméra, on peut beaucoup moins jouer sur cette... Il y a beaucoup moins de plasticité. Donc ça, c'est un avantage que ça a aussi, l'œil d'insecte. Il a des défauts, des avantages, c'est différent. Et d'ailleurs, mais... ouais, j'étais assez surpris de découvrir que ce qui pourrait être spontanément, intuitivement un avantage pour nous, c'était d'avoir une bonne résolution visuelle, il s'avérait que c'était un très mauvais avantage pour l'orientation, tel que vous l'expliquez dans le livre. Vous pouvez nous expliquer pourquoi. Oui, en tout cas, c'est pas un avantage. Et ça, c'est assez surprenant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau comme idée, parce qu'on a vraiment la notion de... une image haute résolution est forcément mieux qu'une image basse résolution, puisqu'il y a plus d'informations. En tout cas, on nous la vend, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais la notion d'information, en fait, elle est dépendante. On peut l'interpréter comme ça, il y a plusieurs définitions. Mais on peut aussi la voir comme dépendante de à quoi va servir l'image. Et il se trouve qu'une image haute résolution, donc dans nos modèles, si on met un œil, parce qu'on a des petites fourmis simulées qu'on fait naviguer dans des environnements virtuels, et là on s'est rendu compte que si on leur mettait un œil haute résolution, alors déjà ça fait ramer l'ordinateur, mais partons du principe qui est pas ce coup-là, qui est bien réel aussi pour nous, ça marchait moins bien que des yeux à la résolution d'insectes. Et en fait, il a suffi de réaliser qu'un œil à haute résolution, il va être très sensible à des petits changements de l'image, forcément. Et or, les petits changements du monde réel, ils sont pas intéressants quand il s'agit de retrouver son chemin. Ce qui est intéressant quand il s'agit de retrouver son chemin, c'est plutôt les grosses zones où est la montagne, où est la maison. Donc c'est des trucs qu'on peut percevoir de façon beaucoup plus floue. Donc, s'affranchir de la haute résolution, ça permet que quand l'image bouge, c'est quelque chose de pertinent pour l'orientation. Alors qu'à haute résolution, ça bouge tout le temps. Et donc, c'est très dur de se souvenir et de reconnaître où on est. Et moi, du coup, ça me fait penser à ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avantage à la basse résolution, à l'observation de nuit? Parce que plusieurs sources peuvent, du coup, arriver dans le même seau, quoi, de lumière et, du coup, faire plus de lumière. Je pense en astronome, là, du coup, mais. Alors là. En plein dedans, sans faire de mauvaises blagues, effectivement, et d'ailleurs, c'est exactement ce que font certains yeux d'insectes, et aussi notre œil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cet effet, parce que nous aussi, nous sommes tous myopes, si ce n'est pour cette petite zone centrale qui est notre fovéa, qui est notre résolution, notre périphérie est très myope. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression de voir une lumière en périphérie, mais dès que vous cherchez à la regarder, elle disparaît. Des clignotants loin, ça peut faire cette impression. C'est tout simplement pour cette raison que parce qu'on a une plus basse résolution, il y a une sommation de photons supérieurs, parce que forcément on couvre une zone plus large par récepteur et donc on est plus sensible à la lumière. Il y a des yeux d'insectes absolument incroyables qui, alors, soit il y a une sommation neurale, c'est-à-dire les espèces nocturnes, typiquement, plutôt que diminuer leur nombre d'omatidies, elles vont simplement semer les omatidies adjacentes pour baisser la résolution, mais augmenter la détection de lumière, exactement comme vous l'avez dit. Et il y a même des insectes de papillons de nuit qui ont fait cette sommation non pas neuralement, donc c'est pas les neurones qui somment, mais c'est carrément optique. C'est-à-dire que les omatidies adjacentes ont des petits miroirs dans leur fond qui font converger les photons finalement sur un seul récepteur central qui va couvrir plusieurs omatidies. Ouais. Donc c'est un bijou d'ingénierie parce que c'est microscopique, il y a tous ces petits miroirs qui font converger l'information. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, ouais, pour augmenter la capacité de détection. Je suis très impressionné que les fourmis avaient tout inventé, tout ce que font les astronomes tous les jours en optique. C'est l'évolution. Bon, alors, malheureusement, cette partie n'est pas très radiophonique d'évoquer des images, etc. Donc, je vous propose de pallier à un manque de votre livre, qui est la dimension de communication auditive, ce qui nous offre la possibilité de vous proposer un quiz. Alors, la première chose, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous savez quel est le nom du cri de la fourmi? Oui. Alors André, elle gronde. Eh ben voilà, c'est parfait. Ça me fait bien plaisir que cette blague soit connue. Et du coup, j'allais vous proposer de reconnaître les cro-ondes de la fourmi suivant. Pascal, est-ce que tu es prêt? que vous avez reconnu les fourmis qui ont réalisé ces sons? Alors, je sais qu'il y a des fourmis qui utilisent les stridulations comme les hadas, les fourmis coupeuses de feuilles, mais je ne sais pas si c'est une fourmi coupeuse de feuilles qu'on entend. Paraponera aussi font la stridulation, mais ça avait bien l'air d'une stridulation plutôt que d'un tapotage d'abdomen que d'autres espèces font. Mais... Ouais, eh ben, bravo, ça. Vous avez bien vu des stridulations. Alors l'espèce concernée, c'est c'est Maculia scabrinodis. La raison pour laquelle on a passé ces enregistrements audio, c'est tout simplement parce que notre Alan National avait réalisé dans son émission 120 un petit quiz sur les fourmis, et notamment le fait qu'on ait entendu coup pour coup. La première, c'était une pupe de fourmi qui réalisait ces sons-là avec des stridulations à l'intérieur de la pupe. Et la deuxième, une fourmi donc ouvrière. Bon, j'allais vous diffuser d'autres sons, mais je pense que c'est peut-être pas la peine. On va passer vraiment sur la question la plus importante, je pense, que on vous posera ce soir. Vous avez un chapitre intitulé « Autant en emporte le vent ». Je voulais savoir si vous aviez la réponse à la question cruciale suivante. Est-ce que les fourmis pètent? Certainement. Hein. Franchement, il y avait aussi est-ce que les fourmis font leurs excréments? Et il y a une petite histoire qui est assez drôle, parce que les fourmis, bien sûr, font leurs excréments, et c'est assez facile à repérer dans le nid. Mais c'est surtout que quand elles sont à l'état larvaire, elles ne font pas d'excréments. Elles le font une seule fois. Et c'est à la métamorphose, et donc elles font un truc énorme à la métamorphose parce qu'elles ont accumulé tout ça pendant tout le développement, et ça s'appelle le méconium. Ah oui, comme le caca. Ouais, exactement, exactement. Et il est des fois la taille de la larve. Oh. Alors si vous voulez voir des photos, il faut aller voir en fait le feed de Cory Moreau, qui est une myrmécologue très célèbre à Harvard et qui avait fait tout un truc pour les enfants justement. Est-ce que les fourmis font caca? Elle avait mis une photo. Ouais. On va déterrer ça. Ça doit dépendre de l'espèce. Je pense que les hatas qui mangent des champignons doivent péter plus fort que les autres. Oui, parce que y a une référence quand même très importante dans la littérature scientifique et de vulgarisation scientifique. Il y a un livre qui s'appelle Does It Fart? Et dans lequel il y a tout un compendium de pets animaux, et donc certaines des espèces qui ne pètent pas. Il n'y avait pas la fourmi, donc c'est pour ça que je me permettais de solliciter deux spécialistes. Mais par contre, ils confirmaient bien que les termites pètent, et notamment pètent pas mal du méthane. Mais donc, ce n'était pas le sujet de « Autant en emporte le vent », et je crois que Cléora a une question plus pertinente à vous poser sur ce sujet. Oui, parce que... Ouais, dans le même chapitre du coup, parce que c'est plus le thème du chapitre avec le vent, où les fourmis se font valser en fait par le vent. On peut se poser la question de la manière dont elles retrouvent en fait leur chemin, c'est le but du chapitre en question. Et Antoine écrit justement « Cette information de direction, perçue grâce aux organes situés à la base des antennes, est donc mémorisée au sein de leur cerveau, puis peut-être lue dans le ciel à travers leurs yeux composés, comme on l'a vu un peu avant. » Ainsi, chez ces fourmis, la représentation transcende les sens. Et c'est là que j'ai titillé un peu quand j'ai lu la première fois cette phrase. Est-ce que c'est bien ce que je crois? On a un indice là que, comme nous les humains, on a les représentations mentales chez les fourmis, en gros, sont amodales. C'est-à-dire qu'elles peuvent être comprises et retranscrites dans n'importe quelle modalité, n'importe quel sens. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est-à-dire elles sont amodales, on le voit très vite. Si vous parlez... un relais de neurones, alors il y a plein de neurones sensoriels, il y a les yeux, il y a ces organes à la base des antennes, vous avez plein de neurones olfactifs dans les antennes, vous avez des neurones même auditifs dans les pattes, gustatifs, tactiles, il y a plein de neurones sensoriels, plein de sens. Et si vous suivez ces neurones, où est-ce qu'ils remontent, vous arrivez après 3 relais, 4 relais sur des zones cérébrales centrales qui typiquement reçoivent toutes les modalités. Et ces zones centrales font des types de computations un peu spécifiques, par exemple de direction. La zone du complexe central, en particulier, qui est spécialiste dans les directions, elle va prendre toutes les informations possibles pour essayer d'avoir une idée de la direction du moment. Donc, elle va pouvoir prendre une information visuelle, repère céleste, mais aussi de mouvement moteur, c'est-à-dire que quand vous faites un virage à gauche, la commande motrice va aussi être prise en compte pour savoir que vous avez tourné. Vous avez aussi l'olfaction qui va rentrer. Donc, c'est vraiment, on voit tout de suite des aires qui sont, comme vous dites, amodales. Après, ça ne veut pas dire que n'importe quoi peut être transformé en n'importe quoi. C'est souvent très spécifique pour une tâche. Donc, tout va converger vers la direction. Donc, la direction pourrait être retransmise à partir de vous pouvez enlever toutes les informations sauf une, ça va quand même fonctionner dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose qu'elle touche avec ses pattes, elle peut se former une représentation de forme qu'elle va pouvoir reconnaître visuellement, bien qu'il y ait des études qui semblent montrer ça, mais j'ai encore des doutes. Ça ne veut pas dire que tout peut se transformer dans tous les sens non plus. Ok. Donc il y a des aires associatives, en fait, en fonction de chaque fonctionnalité, en gros, plus que ça. C'est pas tous les sens qui se convergent en un point. Alors, ça, si quand même... Quand même. Ces aires associatives, elles prennent en compte tous les sens, clairement. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'elles reconstruisent le monde qui peut être lu par tous les sens à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va faire converger les sens, pas forcément pour recréer le monde, mais pour obtenir une information très robuste pour une tâche donnée. Ça, c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est une petite bête comme ça qu'on arrive quand même à démontrer ça, qu'il y a des aires associatives à ce point-là. Ouais. Top. On va commencer à évoquer les relations mutualistes, de société, que peuvent entretenir certaines fourmis avec d'autres espèces. Et j'en profite pour diffuser cet extrait d'une chanson qui tournait en boucle chez mes parents. Pascal, est-ce que tu veux taquer pour mettre l'extrait? Merci. Il faut que vous souffriez aussi. Tu peux arrêter, c'est à peu près à ce moment-là que moi je violentais la chaîne Ifi, donc désolé pour ce qui vient de se passer, mais ça aura fait très plaisir à mes parents de dédicacer cet extrait audio à leur éducation sans faille. Pour l'aspect social, quel est le lien que vous avez entre vos recherches et la fouloscopie parce qu'on a déjà invité Amélie Moussaïd à nous rejoindre. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites ici avec les fourmis et cette discipline qu'est venue nous expliquer Amélie ? Complètement. Mehdi et moi avons partagé le même bureau pendant 3 ans. Donc, on se connaît très bien. En réalité, quand j'ai été recrutée au CNRS, Mehdi était en train de faire sa thèse. Et donc on a partagé le même bureau et c'était très drôle parce que Mehdi faisait des expériences avec les piétons que j'avais fait avec les fourmis, sauf que lui il était confronté à des lois d'éthique auxquelles moi je n'étais pas confrontée, surtout par rapport à la densité en fait de piétons au mètre carré. Lui il pouvait pas faire des tests que moi j'étais amenée à faire avec les fourmis, et c'est très rigolo parce qu'on a fait vraiment utiliser les mêmes setups expérimentaux chez les humains et chez les fourmis. Et on voit en fait que, par exemple, les lignes de déplacement, par exemple, vous voyez dans les couloirs de métro, les règles en fait qui sont à l'origine de la formation de ces lignes de déplacement, on va pouvoir retrouver des règles qui sont très proches chez les fourmis. Alors finalement, les fourmis, même dans leur trafic, quand elles se déplacent, elles sont plus proches des piétons que des voitures. On compare souvent les fourmis à des voitures, on parle des embouteillages, etc. Mais en réalité, c'est plus proche des piétons parce que faut savoir que les termites, les fourmis, et les humains sont les seuls animaux à pratiquer ce qu'on appelle les déplacements bidirectionnels. Mmh. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, les animaux, quand on parle de déplacement collectif, ils se déplacent tous dans la même direction, ou ça va être comme un essaim de moucherons, ça va être dans toutes les directions. Là, on a vraiment une organisation, ça va de gauche à droite, de droite à gauche. Et c'est que chez les piétons, les termites et les fourmis qu'on va retrouver ce type d'organisation. Et la bidirectionnalité, ça amène une contrainte forte qui sont les collisions que vont avoir les deux flux, en fait, quand ils vont se rencontrer. Et donc, il y a des règles qui se mettent en place. Et donc, Mehdi, par exemple, a montré que les piétons, quand ils se rencontraient, vraiment, ils avaient plus tendance à aller à droite quand ils entendent l'action, à gauche. Alors, chez les fourmis, on va pas trouver ce type de préférence de latéralité, mais on va trouver plutôt des systèmes où la fourmi qui va se déplacer et qui va laisser la priorité, c'est la fourmi qui, spatialement, en a l'opportunité. Et ça va se faire que sur du spatial et au niveau local. Et donc, avec Mehdi, quand on comparait les modèles mathématiques, on voyait beaucoup de similitudes, et les fourmis en fait elles permettent d'aller plus loin sur des choses qu'on peut pas tester chez les humains, et donc monter fort. Par exemple dans les mouvements de panique ou des choses comme ça, on peut pas faire ce type d'expérience avec les humains, mais on peut le faire avec les fourmis, et ça peut nous aider à donner des pistes en fait sur les mouvements de piétons. Très bien. Et le lien maintenant entre le blob et les fourmis, plus ténu? Alors non, pas du tout. En réalité, on est 10 chercheurs dans le monde à travailler sur ces deux modèles. Et en réalité, c'est parce que ces deux modèles qui ont des systèmes de fonctionnement décentralisés. Donc, dans un cas, vous avez un organisme qui n'a pas de système nerveux, où il n'y a pas de centre coordinateur, où, en fait, le problème émerge. et à partir de sous-unités. Et chez les fourmis, vous avez la même chose en termes d'intelligence collective. Vous avez un super organisme qui va résoudre des tâches complexes juste liées avec des petites interactions locales, ce qu'on appelle des systèmes auto-organisés. Et donc, en fait, le blob et les fourmis sont deux systèmes auto-organisés. Et donc, on va trouver, par exemple, la sélection du chemin le plus court chez les fourmis. Vous pouvez retrouver les mêmes règles que la formation d'une veine qui va prendre le chemin le plus court dans un labyrinthe chez le blob. Donc, en fait, ça va être quand même des systèmes qui sont extrêmement proches, malgré que phylogénétiquement, c'est très, très différent. Très bien. Et alors, pour vraiment que j'appréhende complètement le lien qu'il peut avoir, donc ici, la décision qui se passe dans le blob, elle est manifestée par les noyaux qui se baladent à l'intérieur ou Alors souvent on pense aux noyaux, mais en réalité c'est le réseau veineux. Ouais. En fait, le blob, son système locomoteur et son système de partage en fait des ressources, c'est son système veineux. D'accord. Et c'est donc il faut imaginer que c'est comme plein de petits oscillateurs. Ouais. Et en fait, quand vous regardez les contractions des veines, elles se coordonnent ou elles sont complètement désorganisées, chaotiques. D'accord. Et donc c'est plutôt sur le système veineux qu'il faut se concentrer que sur les noyaux eux-mêmes, parce que les noyaux ils régissent pas grand-chose à part l'expression protéine. D'accord. Et en plus elle est rythmée par rapport à la mitose qui a lieu toutes les 8 heures dans la cellule. Donc, vous avez une petite fenêtre d'expression et donc en réalité les noyaux vont pas diriger, c'est plutôt en fait vraiment ce système péristaltique qui est à l'intérieur qui est plutôt aux commandes. Avec bien sûr des récepteurs. Vous avez donc c'est une cellule qui perçoit son environnement. C'est pas de système sensoriel type des yeux, système olfactif, etc. Mais elle a des récepteurs qui permettent de détecter par exemple la présence de molécules. Et ceci se traduit après par des contractions différentes, des rythmes de contraction, par des cascades moléculaires. Donc vraiment, on pourrait presque se passer du noyau pendant un certain temps et ça marcherait quand même. D'accord. Ok. Donc ça répond à une des questions que j'avais immédiatement, c'est d'envisager si on avait un sac qui était doué de mouvements péristaltiques avec du liquide à l'intérieur, il pourrait potentiellement trouver des chemins. Exactement. C'est très rigolo que vous passiez là, parce que hier, je lisais un article pour un ouvrage, là, où en fait, les gens ont fait un système de sac. Ils ont reproduit en fait le système péristaltique du globe avec quelques robots qui font les pieds. D'accord. Et qui sont reliés entre eux par des ressorts. Et en réalité, ce robot est capable de se diriger vers un attracteur et voilà, il y a pas de problème. Oui, j'avais lu que les meilleurs robots pour sortir d'un lieu, c'était des trucs pneumatiques en fait très fluides où en fait en les gonflant en fait tu arrives finalement à trouver au bout d'un moment la sortie. Et il parlait de ça pour les robots pour libérer les gens sous les éboulis ou les trucs comme ça, ouais. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce robot avait été réalisé au départ, il a été inspiré donc par les mouvements amoïboïdes, il s'appelle le robot amoïboïde. Et les petits pieds, en fait, les petits cylindres, la seule chose qu'ils font, c'est que s'ils avancent, donc ils tendent le ressort, et ils ont un système d'électroaimant pour se fixer, parce que sinon, les autres robots vont le tirer dans l'autre sens, et du coup, ça va dans n'importe quel sens. Et pour que c'est une direction, il faut avoir un système d'accroche quand même. Et ce qui est assez rigolo, parce que chez le blob, on a ce système d'accroche, la membrane, en fait, ça grippe un tout petit peu sur le substrat, qui lui permet, en fait, d'avancer. Je comprends mieux. Bah, ça, c'est fascinant et ça, c'est énormément de considérations sur le gouvernement, sur l'organisation qui nous arrive. Et d'ailleurs, il y a une citation dans le livre de Maurice Maeterlinck que j'ai trouvé. Je vais vous la donner assez rapidement pour que vous puissiez ensuite me donner votre impression là-dessus. Qui règne et qui gouverne dans la cité? Où se cache la tête ou l'esprit? D'où émanent les ordres qui ne sont jamais discutés? Quel nom donner à cette forme d'entente et au gouvernement qui en résulte? Est-ce une simple république de réflexe? Est-ce une anarchie organisée ou une collectivité cumulative? Écartons la théocratie et la monarchie qui sont peu probables, reste la démocratie, l'oligarchie et ce qui semble plus vraisemblable, l'aristocratie et la gérontocratie. Sur le fond solide et stable de l'instinct général, on dirait le gouvernement provisoire de la meilleure idée. Et vous, que pensez-vous de cette citation? Elle est magnifique, cette citation. Et pour la petite histoire, en fait, il y a eu deux livres publiés chez Grasset sur les fourmis. Le livre de Maeterlinck et le nôtre. D'accord. c'est une petite coïncidence. Alors, Maurice Maeterlinck, j'ai le livre juste devant moi. Là. C'est un ouvrage qui est très ancien. Il est magnifiquement bien écrit. C'est une écriture qui est incroyable, mais c'est faux. C'est aussi magnifiquement faux. Mais il faut le lire parce que il faut toujours imaginer la science et comme l'art, il faut considérer dans son contexte historique. Et à l'époque, quand Maeterlinck fait ses premières observations, il n'y a pas toute la connaissance qu'on a actuellement. Et donc, ou non, les fourmis, ce sont pas des oligarchies, ce ne sont pas des gérontocraties non plus, même si c'est les fourrageuses les plus âgées qui sortent récolter la nourriture. Ce sont souvent, alors il y a des hiérarchies, hein, chez les fourmis, par exemple, chez les petites colonies, Antoine peut en parler parce que c'est des espèces qu'il connaît mieux, où on va avoir des formes de hiérarchie linéaire où la femelle alpha va régner un petit peu et taper sur les autres pour qu'elles pondent le pas. Mais sur les espèces comme par exemple, je sais pas moi, la fourmi d'Argentine ou les fourmis coupeuses de feuilles, c'est totalement auto-organisé, il y a pas de leader dans ces systèmes-là. Donc mais je pense que c'est notre vue très anthropomorphique parce que on pense que forcément un groupe doit être dirigé par quelqu'un, doit être aux commandes. Et donc je pense que c'est cette vision-là. Ah bah oui, c'est insupportable pour les dirigeants d'envisager qu'on pourrait se passer d'eux quand même. Il y a des entreprises hein, maintenant actuellement qui s'inspirent en fait de ces systèmes décentralisés et qui essayent en fait de diriger l'activité par le travail et justement où en fait ça serait beaucoup plus décentralisé et il y a des choses qui sont assez, marchent bien, mais je sais pas si ça marche pas. La recherche n'est pas très éloignée. Tu veux dire Marc, je veux dire il y a pas vraiment de chef. Bah exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, et enfin, ça je crois. Pas dans le sens souhaité, peut-être. Ça, c'est sûr. Cléora, tu avais des remarques justement sur ces notions-là. Ouais, sur le même thème, ouais, entre auto-organisation, qui n'est pas de chef, vous avez même écrit chaos organisé, il me semble que j'ai lu quelque part. Moi, tous ces termes, moi, ça me fait penser aussi à Edgar Morin, je ne sais pas si je vous connaissais, qui parle beaucoup autour de l'auto-organisation, comme quoi une organisation ordonnée peut engendrer du chaos, comme du chaos peut engendrer une certaine organisation, en fait, ordonnée. Et justement, à citer les fourmis avec leurs petites feuilles là, qui coupent, là, comment elles s'organisent, elles, du coup, comme s'il n'y a rien d'organisé, c'est l'auto-organisation pure. Comment c'est alors, pas chaotique, c'est... du coup? Mais souvent, on le sait que c'est à partir du désordre naît l'ordre. Ouais. Et par exemple, c'est l'exemple le plus typique, c'est le choix des chemins chez les fourmis qui explique le mieux ça. En réalité, quand vous donnez par exemple deux chemins à des fourmis, au début, elles sortent, c'est le chaos total. Tout le monde prend n'importe quelle direction. Il n'y a pas de direction qui est codée. Elles prennent tout et c'est du hasard complet. Elles vont à la source de nourriture, elles reviennent et elles laissent une trace chimique. Ok. Donc imaginons maintenant que par le hasard, elles se sont réparties de manière équitable sur les deux chemins. Une fourmi arrive, elle se retrouve face à deux concentrations complètement identiques. Elle va choisir au hasard. Et donc ça, c'est le hasard qui va avoir une importance fondamentale. Par le hasard, elle va choisir un chemin et sans le savoir, elle crée une dissymétrie dans le système. Puisqu'elle, sans le savoir, elle va créer, en fait, elle va augmenter la concentration en phéromones sur un chemin. Et cette augmentation, ça va influencer le choix de ces petites copines derrière qui vont arriver elles à l'embranchement, qui vont dire ah ben tiens là c'est plus concentré que là, comme les fourmis elles savent différencier les concentrations en phéromones, elles vont choisir le chemin le plus concentré et sans le savoir elles vont amplifier ce phénomène et on va avoir un phénomène de feedback positif, une rétroaction positive qui se met en place, ça va être de plus amplifié, le chemin devient de plus en plus concentré donc il devient de plus en plus attractif, cette dissymétrie s'agrandit et d'un coup on a une organisation qui est né du chaos, on a toutes les fourmis qui prennent le même chemin. Et donc, tout est bien ordonné. Alors qu'au départ, c'était né, en fait, un désordre complet. Et on va voir, en fait, ce système à tous les niveaux, en fait, de la fourmilière. C'est vraiment le fait que les fourmis réagissent localement à des interactions. Et c'est la même chose, par exemple, dans la construction. Si on prend notre exemple dans l'architecture chez les fourmis, une fourmi, elle prend une boulette de terre, elle la malaxe, souvent elle met un petit peu de phéromone dessus, elle la pose au sol. En faisant ça, elle crée une hétérogénéité. Cette hétérogénéité peut être perçue par ses autres camarades qui ont aussi une boulette de terre et qui sont attirés par la phéromone et qui donc vont poser leur boulette de terre là. Mmh. Et du coup, cette petite hétérogénéité devient de plus en plus attractive. Sauf que elle est attractive dans un certain rayon. Si une fourmi est très éloignée, elle va pas percevoir cette hétérogénéité, donc elle va créer sa propre hétérogénéité à une certaine distance qui est finalement limitée par la distance de perception de la première hétérogénéité. Et donc vous allez avoir des piliers qui vont apparaître à distance égale les uns des autres. Donc vous allez avoir un système hyper organisé, vous dites, mais il y a un architecte derrière, parce que c'est exactement la même distance qu'il y a entre chaque pilier. Pas du tout. C'est juste la distance de perception de la phéromone. Et donc, vous allez avoir ce petit type de... Vous pouvez le retrouver à l'infini. Il y a des milliers d'exemples, en fait, sur tous les comportements collectifs des fourmis. on voit très bien que ce sont vraiment des règles au niveau local qui permettent une émergence d'un certain ordre au niveau politique. Et au niveau des choix, il me semble que, si je dis pas de bêtises, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme des fourmis ou un truc comme ça. En fait, ça a donné naissance aux algorithmes fourmis qui ont été développés par Marco Dorigo, en particulier en Belgique, qui, du coup, a réussi à résoudre le problème du voyageur de commerce. Donc, le problème du voyageur de commerce, c'est de rejoindre plusieurs villes avec le chemin le plus court et revenir chez lui parce qu'il doit rentrer chez lui à la fin de sa tournée. Et donc, si vous avez 5 villes, bah, vous avez 12 chemins possibles. Si vous avez 10 villes, vous allez avoir 180 000 possibles. Parce qu'en réalité, c'est le nombre de villes moins 1 factoriel, le nombre de villes moins 1 divisé par 2. Donc, vous imaginez, à 25 villes, c'est simple, vous êtes à des milliards de milliards, et à 60 villes, il y a plus de possibilités. Je crois que c'est le nombre d'atomes, le plus d'atomes que dans l'univers. Donc, c'est très difficile à résoudre pour un ordinateur. Et donc, Marco Dorigo a eu l'idée de coder en fait des algorithmes fournis avec ce système de dépôt de phéromones et de suivi de phéromones, et donc ce système de sélection de chemin. Parce que on imagine, vous avez, on va prendre une solution extrêmement simple, vous avez deux chemins, un chemin qui est beaucoup plus long que l'autre, un chemin qui est plus court, mais tous les deux mènent à la source de nourriture. Vous avez deux fourmis, une fourmi prend le chemin le plus long, une fourmi prend le chemin le plus court. Celle qui doit prendre le chemin le plus long, forcément elle arrive après. Et donc sa phéromone, elle est disponible après. Rien que par cette petite différence de temps, cette petite différence va être amplifiée et va conduire les fourmis à choisir le chemin le plus court. Et bien, il a utilisé, en fait, il a traduit ça en algorithme et il a pu montrer qu'on peut résoudre le problème du voyageur de commerce avec ce petit simple suivi de phéromones et probabilité de suivre toujours le chemin le plus concentré. Et il montrait que, par exemple, pour résoudre le problème à 25 villes, qui prend 64 ans un ordinateur, ça prend 10 minutes avec un algorithme fourmi. Donc, c'est assez incroyable. Et c'est juste en utilisant vraiment ce système tout simple. Bon, après, l'intelligence artificielle, maintenant, va commencer, bien sûr. elle fonctionne pareil. Hein. Elle fonctionne pareil. C'est juste que maintenant, les ordinateurs aussi ont réussi à dissoudre le problème en tout petit problème. De manière itérative, comme ça, ils arrivent, bien sûr, à résoudre ce problème beaucoup plus rapidement maintenant qu'il y a quelques années. Mais il y a quelques années, les algorithmes fourmis étaient les plus performants. Alors là, il y a un aspect d'automatisation qui est très très important dans vos considérations, mais moi ce que j'ai trouvé assez troublant, c'est la notion de culture chez les fourmis. Et vous avez cité plusieurs fois les fourmis ATA, et notamment le fait qu'elles étaient capables de transmettre une information sur du poison. En envisageant que justement les cultures véritablement existent chez les fourmis, quel degré de sophistication est envisageable et surtout quelle durée? Est-ce que ça peut durer plusieurs générations? Est-ce que vous avez des informations justement sur cet aspect de la culture sociale chez les fourmis? Ce qu'avait fait en fait ça, c'est les travaux de Flavio Rossès. Ce qu'il montre, c'est que si on met un poison que par exemple la fourmi ne peut pas percevoir sur un morceau de feuille, donc juste pour expliquer, les coupeuses de feuilles, elles coupent des feuilles dans la nature, elles ramènent ces bouts de feuilles, elles nourrissent un champignon avec ces feuilles, et après elles mangent le champignon. Et donc si on empoisonne, en fait, si on met un antifongique dans les feuilles, que les fourmis ne peuvent pas percevoir au goût, elles vont ramener cette feuille, elles vont le poser sur le champignon, et le champignon va tomber malade. Et la fourmi est capable, en effet, de cesser de ramener cette feuille, sans pourtant sans percevoir ce poison, parce que c'est la réaction du champignon. Le champignon émet une odeur, et c'est cette odeur que la fourmi en fait est capable d'apprendre et associer avec la nourriture qu'elle a ramenée pour cesser en fait de ramener cette nourriture. Et ce qui est encore plus fou que Flavio Rossès a montré, c'est que s'il enlève une population de fourmis de la colonie avant cet apprentissage, il les met de côté, et donc les autres apprennent à éviter le poison. Et il remet ses fourmis complètement naïves dans la colonie, et elles, gaiement, elles vont chercher les feuilles, ne sachant pas qu'elles sont empoisonnées, et elles sont tapées dessus. Et en réalité, c'est parce que les fourrageuses qui sortent connaissent, en fait, elles ont appris, à associer la maladie du champignon à cette feuille-là, et donc, enlèvent le bout de feuille de leur congénère. Et alors, il disait que ça pouvait durer quand même sur quelques semaines. Je sais pas si ça pourrait se transmettre, par contre, à la génération suivante. Il faudrait peut-être prolonger en fait cet apprentissage sur des plus longues durées, mais en tout cas, il arrive sur quelques semaines. En fait, elle cesse complètement de ramener. Je me demande si Antoine a des informations sur justement les modifications cérébrales qu'on pourrait retrouver sur des fourmis qui auraient été naïves par rapport à celles qui auraient été justement initiées par des voisines. Est-ce qu'on a des informations justement sur ce type de modifications? Ouais, très clair. Et c'est bien compris, c'est un peu le même système que chez nous. C'est des changements de connectivité, de poids synaptique. Donc les synapses, qui sont les connexions entre neurones, elles sont très plastiques pour la plupart des neurones. Et quand je dis très plastique, d'ailleurs, quand on voit en direct à quelle vitesse ça peut se former, se déformer, c'est à l'échelle de la seconde. Vous voyez un neurone qui peut se connecter, se déconnecter, se reconnecter ici. C'est vraiment très plastique. On se rend pas compte. On pense que c'est long, mais c'est très très rapide, les modifications synaptiques. Ça veut dire qu'on a des images de ça, de formation de neurones chez les fourmis? Alors chez les fourmis, non, ça va être chez les drosophiles pour ces grosses images-là, mais c'est le même principe chez les mouches, ouais. Qui ont des outils neurogénétiques qui permettent de visualiser le cerveau avec des résolutions qu'on peut pas atteindre chez les autres insectes. Mais c'est le même cas chez, j'ai envie de dire, tous les neurones. C'est une propriété de base du neurone. D'accord. Après, pour la notion de culture, c'est le lien est ténu, parce qu'au final, un apprentissage, ça va être un changement qui va s'opérer chez un individu, on va dire, qui va faire que, du fait de son expérience, il va changer son comportement par rapport à un même stimulus. Donc, il va revoir le même monde deux fois, mais lui ne sera plus le même, du coup, il va se comporter différemment. Si maintenant, vous avez un apprentissage qui est basé un petit peu sur du social, donc c'est-à-dire qui est basé sur observer l'autre, et finalement, cette réponse, ce changement de réponse va se transmettre d'un individu à l'autre, et l'idée, c'est combien de temps la chaîne va tenir. C'est là où on peut dépasser les générations. Donc sur l'exemple comme a donné Audrey, c'est quelque chose qui peut s'enseigner d'une fourmi à l'autre, et du coup ça peut durer sur des générations qui n'ont même plus besoin de s'exposer au stimulus originel et se transmettre. Après, si la colonie, dans le cas des Hatta où il y a une seule reine, finit par mourir et c'est une autre colonie plus loin, je pense pas que là la chaîne va être cassée pour le coup. Donc est-ce qu'on peut parler de culture? Ça va être tout le problème de la question. Mais ça va clairement transcender les individus, quoi. Passer d'un individu à l'autre. On a d'autres exemples au-delà des petites feuilles empoisonnées comme ça. Peut-être oui. Ceux qui ont osé vraiment amener le mot culture et qui pensent que ça peut se transmettre d'une génération à l'autre. J'ai deux exemples en tête, mais pas chez les fourmis. Mais après, je pense que c'est qu'une question d'intérêt scientifique. Si on le voit chez un insecte, en tout cas, le système va sûrement se reproduire chez les fourmis aussi. Il y a un exemple chez les bourdons, où ils ont juste simplement démontré qu'il pouvait y avoir un apprentissage social, c'est-à-dire dans le sens où un bourdon peut apprendre en observant un autre bourdon. Et du coup, le système peut se transmettre. Là, ce qu'ils montraient, c'était qu'ils avaient fait une tâche où il s'agissait au bourdon d'apprendre. Alors, il y avait une petite arène circulaire avec un trou au milieu, et il y avait une petite bille en polystyrène, et il fallait que le bourdon la mette dans le trou du milieu pour obtenir sa récompense sucrée. Alors, pensez bien que certains bourdons n'y arrivaient pas parce qu'ils sont pas tombés sur la solution, mais d'autres, par chance, trouvaient la solution et très vite apprenaient. Et vous voyez des bourdons qui vont très vite chercher à ramener cette boule de polystyrène. Et ils ont montré que des bourdons qui observaient d'autres faire ce comportement apprenaient plus vite à le faire. Et du coup, ils ont estimé qu'effectivement, dans un milieu naturel, si vous avez un système comme ça, ça allait se transmettre même d'une colonie à l'autre sur plusieurs générations. Il y a des comportements dans la nature, là je pense encore aux bourdons, qui, on peut se demander à quel point c'est transmis socialement ou à quel point il le redécouvre à tous les coups, parce que c'est toujours un petit peu ça. Si c'est un comportement qui est facile à découvrir, est-ce qu'il le redécouvre à tous les coups ou pas? Ouais. Une chose est sûre, quand vous voyez certaines fleurs que le bourdon a la langue trop courte pour atteindre le nectar, vous le voyez, ou même des fois c'est par fainéantise, il va mordiller l'endroit où il y a le nectar et accéder par en dessous. Donc il triche complètement. Ce qui est pas bon du tout pour la fleur qui va pas déposer son pollen sur l'insecte. Et vous voyez les bourdons qui le font à grande échelle chaque été dans les jardins. Or, un bourdon naïf le fait pas spontanément, il abandonne. Donc, est-ce qu'ils l'apprennent parce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils l'apprennent en observant les autres? Ça pourrait être un exemple de culture transmise. Après, quand on parle de culture, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une grosse différence entre une culture où on réapprend à chaque fois un comportement, donc une culture simple, on va dire, et une culture cumulative, où non seulement on apprend de sûr le comportement d'avant, mais on va rajouter dessus, et petit à petit, c'est vraiment ce qui a fait que la culture humaine a explosé. C'est cette faculté d'apprentissage social doublée de j'accumule à chaque génération quelque chose en plus, quoi. Et ça, il n'y a pas d'évidence chez les insectes, d'après moi. D'accord, il faudra trouver des traditions de fourmis. Ouais. Pour l'instant, ça existe. Mais ça existe, pardon, encore. Chez d'autres animaux que l'humain. On la trouve, ça seul. Oui, les chimpanzés, ils ont montré, en fait. Mais c'est assez. La façon d'utiliser l'outil, on a trouvé d'autres. Mais il y a de très rares évidences, et même ça avait été très débattu. Mais la culture chez l'insecte, c'est très débattu. Antoine et moi connaissons très bien un collègue à nous, Guillaume Isabelle, qui a fait un article dans Science sur la culture chez les mouches, où il montre en fait que des préférences en fait sexuelles chez les mouches peuvent se transmettre de génération en génération parce qu'elles s'observent. Elles regardent une autre femelle en train de sélectionner un mâle. Elles ont le choix entre un mâle rose, un mâle vert, qui sont verts artificiellement. Et ils montrent que si la première femelle choisit un mâle rose, les autres femelles qui observent ont plus de chances de choisir un mâle rose et que, du coup, génération après génération, on peut avoir comme ça. Mais voilà, cet article, lui aussi, a été débattu sur est-ce qu'on peut utiliser le mot culture. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est comme tous ces mots, intelligence, utilisation de l'outil, on a toujours, ou l'enseignement aussi. Je me rappelle le premier article, Teaching in Ants, l'enseignement chez les fourmis. Ça avait été tous les gens qui travaillent sur l'humain avaient été scandalisés. Bah, bien sûr. Essayons de les scandaliser encore une fois avec une autre notion humaine que on pourrait éventuellement retrouver chez les fourmis. Et j'en profiter pour faire un de mes exemples préférés tirés du livre. Vous parlez donc de Pseudomyrmex ferrugineus qui vit dans les acacias. Et je vous cite, Audrey, c'est ça, je pense que c'est cet exemple, qui, lors d'inondations, une fois à l'extérieur, elles écopent d'une façon tout à fait originale, elles pompent l'eau en l'avalant, lorsque leur abdomen est sur le point d'exploser, elles expulsent toute l'eau ingurgitée, non pas par la bouche, mais par l'anus. Le procédé n'est pas des plus rapides, mais on fait ce qu'on peut lorsqu'on n'a pas de seau à portée de main, ce qui m'a amené à cette question et considération-là. J'ai l'impression que, souvent, les fourmis troquent l'usage d'outils pour plutôt une caste spécialisée. Vous évoquez aussi souvent les fourmis peau de miel avec ce sorte de garde-manger, de frigo. Et souvent, j'ai l'impression que pour n'importe quel outil humain, il y a les fourmis portes, il y a les fourmis, pompes à eau. Est-ce que c'est votre impression aussi ou est-ce que vous avez d'exemples de fourmis qui utilisent bel et bien des outils? Alors, il y a des exemples de fourmis qui utilisent des outils. C'est l'exemple de la Phanogaster qui construit ses éponges dans la nature, qui est capable de, par exemple, récupérer du liquide en utilisant des petits bouts de mousse ou des petits bâtons ou même des petits grains de sable. D'accord. Ça a été observé deux ou trois espèces. C'est la spécialité de Patricia Détoré qui travaille à Paris. Mais c'est vrai que, mais par exemple, chez les fourmis peau de miel, ces fourmis qui sont citernes, donc qui se remplissent là, qui sont vraiment gorgées de miel, et dont que les aborigènes mangent hein, en Australie ou qui existent aussi bien sûr aux États-Unis, Myrmecocystus, ce sont pas des fourmis qui naissent citernes. C'est pas une caste à part. C'est une fourmi qui va d'abord recevoir un peu de nourriture, donc son abdomen va se distendre. Et puis petit à petit, mais elle aurait pu très bien être courageuse, quoi. Alors, ce qui est différent de la fourmi porte, qui elle, par contre, morphologiquement, a vraiment donc sa tête comme une assiette et fait porte. Et donc c'est vrai que chez les fourmis, on a une division du travail qui, selon les espèces, est plus ou moins flexible. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une relation entre la taille de la colonie et la spécialisation. Plus les colonies sont grandes, comme les fourmis coupeuses de feuilles, par exemple, plus vous allez avoir de la spécialisation. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, vous avez des fourmis les jardinières, elles font 1,5 mm, elles vont rester dans le jardin toute leur vie, elles verront jamais la lumière du jour, elles iront pas fourager. Et vous avez des fourmis, qu'on dit des fois primitives, mais ça veut pas dire grand chose, où on a, par exemple, 30 fourmis dans la colonie, et là, c'est beaucoup plus plastique, la division du travail, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Même pour des œufs. Voilà, et même pondre des œufs. Et donc, ça va être vraiment, on va avoir vraiment un lien entre la spécialisation et la taille de la colonie. Et parce que quand vous avez une colonie très très grande, c'est intéressant d'être spécialisé parce que vous pouvez en effet perdre un élément et c'est pas très grave. Des jardinières, les attas, elles en ont des millions. Donc c'est pas très grave si elles perdent une jardinière. Mais une fourmi, imaginez, vous avez une colonie de 30 et vous êtes ultra spécialisé et vous perdez la jardinière. La colonie, elle fonctionne plus. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour les petites colonies d'être ultra spécialisées. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez chez les fourmis clonales, par exemple la Platycheria oropunctata, donc les fourmis clonales, c'est des fourmis qui n'ont plus de mâles, sont passées du mâle, se reproduisent, et on va quand même pourtant avoir une division du travail qui va émerger. Or, elles sont toutes génétiquement identiques. Et vous avez quand même, et c'est un système de seuil de réponse qui se met en place, parce que c'est pas le tout génétique chez les fourmis. Une fourmi, comme le dit très bien Antoine, elle va se baser sur son expérience, sur l'environnement, sur ce qu'elle va vivre au quotidien, et ça va modifier énormément son comportement. Donc même si vous avez, c'est comme chez nous les jumeaux, si vous avez deux fourmis identiques, ces toutes petites différences de seuil de réponse liées à l'expérience vont être amplifiées et vont faire qu'il y en a une qui va devenir courageuse et une qui va devenir nourrice. Et pourtant, on avait deux individus identiques au départ. Mmh. Et donc, voilà. Donc, c'est, on a une division du travail chez toutes les fourmis, mais elles sont plus ou moins spécialisées pour une tâche ou pour une autre selon la taille de la fourmi. Là-dessus, il y a des, sur cette idée de diversité qui sort, alors qu'à la base, il y a, disons, au moins génétiquement identique. Il y a des expériences qui ont été faites maintenant chez plusieurs espèces de vertébrés, mais aussi d'insectes, qui montrent, par exemple, chez des drosophiles, pour le coup, génétiquement identiques, quasiment à la mutation près, parce qu'ils peuvent vérifier après coup, donc très, très, très proches génétiquement, et qui vont être élevés toutes seules dans un tube, dans les mêmes conditions d'humidité, de température, de lumière, donc vraiment, même environnement, même gène. Pourtant, ils retrouvent la même diversité de, entre guillemets, personnalité que dans une population sauvage. Et donc ça, ça incite à penser que dans le développement, il va y avoir des ruptures de symétrie qui sont vraiment faites pour prendre la stochasticité en cours, en compte. C'est-à-dire que ça peut partir sur cette voie-là ou sur cette voie-là, et le développement est fait pour que ce soit imprévisible et robuste au vrai changement d'humidité, de température. On va quand même retomber là-dessus. Ça, c'est assez incroyable de voir que le développement est fait pour créer cette diversité entre les individus. Ouais, moi, j'avais une question justement sur les... Sur les fourmis hyper spécialisées, genre les fourmis qui a à manger, comme la cité un peu là. Donc c'est vraiment, c'est presque par hasard, quoi. C'est vraiment un petit comportement qui a fait que elle est devenue comme ça, quoi. C'est comme c'est lié au départ à l'état nutritionnel de la fourmi qui est mandée de la nourriture. En fait, elles naissent pas avec l'abdomen complètement distendu. D'ailleurs, ces fourmis-là, c'est assez dramatique parce que une fois qu'elles sont vidées, parce que les autres fourmis sollicitent de la nourriture de ces fourmis-là par des trophallaxies. Et une fois qu'elle est vide, elle meurt parce que, en fait, son abdomen peut pas reprendre sa taille initiale. Et c'est assez atroce. C'est vraiment comme un vieux ballon de baudruche, quoi. Et elle meurt. Et donc, c'est vraiment la distension de l'abdomen se fait vraiment petit à petit. Mais à des degrés beaucoup moindres, vous allez trouver chez des espèces même communes chez nous, hein. Des fourmis, quand vous ouvrez une colonie de fourmis dans la nature, vous ouvrez et vous allez voir que même chez la fourmi noire des jardins, qui sont toutes identiques, vous allez avoir des fourmis qui sont bien grasses et qui stockent beaucoup plus de nourriture que d'autres. Et en fait, ça c'est un système qui se met en place et qui est assez drôle, parce que quand vous êtes fourrageuse, vous êtes une fourmi un peu âgée, la plupart du temps, en fait, si on part du départ de la fourmi, elle naît, elle s'occupe des larves, elle fait rien au départ, elle va construire un peu son nid, et petit à petit, elle va commencer à consommer ses réserves, elle va commencer à perdre, son état nutritionnel va changer, son expérience va changer, elle va se rapprocher de la sortie du nid, et ce qui va la faire sortir du nid, c'est le fait qu'elle a faim. Une fourmi dans ces systèmes de fourmis ne sort pas si elle a pas faim, quoi. Et donc elle peut être sollicitée par les autres, mais en réalité on le voit au laboratoire, ce qui va faire que la fourmi sort, c'est la motivation à aller manger. Donc la fourmi, imaginez donc une petite Lasus niger, elle sort, elle va manger, elle revient et de suite il y a des fourmis qui viennent la solliciter pour lui demander de régurgiter la nourriture. Donc elle va donner sa nourriture, les fourmis elles vont se gaver, elle sera toujours affamée, du coup elle va ressortir et elle va repartir pour un tour. Et on voit quand on fait des manies, par exemple, quand on étudie le trafic chez les fourmis, on voit très bien que notre expérience, au bout de 2 heures, elle s'arrête complètement, parce que la fourrageuse qui va chercher à manger et qui revient au nid et que personne ne veut sa nourriture, elle ressort pas. Et du coup, vous, votre expérience, elle s'arrête parce que vous avez plus de fourrageuse sur vos petits dispositifs. Et en fait, ce qui va vraiment motiver la fourrageuse à ressortir, c'est cette faim. Mais sauf que dans la nature, elles vivent pas dans un milieu où elles peuvent manger. Comme disait Antoine, le petit cookie, là, c'est trop top, quoi. Si elle tombe dessus, quoi. Dans les laboratoires, elles sont nourries à 10 bitum, donc, dans la nature, en fait, vous avez toujours, du coup, cette caste de fourmis qui est toujours affamée et qui sort complètement, qui va nourrir les autres. Et tant qu'elle n'aura pas nourri toutes les autres, elle continue à se nourrir. Mais du coup, pourquoi il y a des fourmis qui se sacrifient carrément, alors? Il y a beaucoup de fourmis. Alors, il y a les fourmis kamikazes qui vont exploser à la figure des autres. Je donne pas d'exemple parce qu'il y en a plein dans le bouquin. Il y a la fourmi kamikaze, c'est forcément la plus spectaculaire. C'est un système de défense, hein, comme un autre. Une fourmi kamikaze qui meurt, elle emporte 3-4 ennemis au passage, donc finalement, elle est gagnante, hein. La colonie a perdu une fourmi, mais les autres en ont perdu 4. Et après, il y a ces fourmis qui bouchent. Alors celles-là, je trouve que c'est celles-là qui sont les plus touchantes, qui est un peu triste dans cette histoire, de ces fourmis qui chaque jour se retrouvent à boucher l'entrée pour qu'elle soit imperceptible, parce que finalement, si c'était fait de l'extérieur, ça se verrait, parce qu'ils ont fait l'expérience les fourmis qui ferment ça, on voit toujours un tout petit orifice. C'est le seul moyen de vraiment aplanir, c'est de rester à l'extérieur. Et ces fourmis-là, elles meurent. En fait, le chercheur, il raconte qu'au début, il ne sait pas si elles meurent parce qu'elles disparaissent. Il les voit plus. Donc, il a essayé une nuit de les suivre. Et il voit que la plupart du temps, soit elles se font manger par quelqu'un, soit elles perdent leur chemin parce qu'elles s'éloignent beaucoup trop. Et sauf que la colonie, en perdant 3 individus, bah, elle protège toute la colonie. Et donc, en fait, c'est vrai que les fourmis, elles surprennent toujours par cet altruisme assez impressionnant, mais ça, c'est toute une discussion pour les sociobiologistes. Pour l'anecdote, j'ai vu une de ces fourmis qui rebouchait le nid par l'extérieur dans les expériences qu'on faisait, et c'était une des fourmis qu'on avait peintes pour nos expériences, donc je pouvais la reconnaître. Et effectivement, elle bouche le nid, alors pendant une demi-heure, elle va chercher vraiment à aplanir, au point qu'au bout d'un moment, elle sait plus trop où est le trou, et elle aplanit quand même toute la zone au cas où c'est le trou. Et elle part, effectivement, ensuite, se cacher dans l'herbe, un petit peu plus loin que l'entrée du nid. Et le lendemain, j'étais arrivé avant que les fourmis réouvrent leur nid, et je les veux revenir chercher autour du nid, à attendre comme ça. Alors, j'ai attendu avec elle, elle continuait de chercher, à faire une recherche assez bien centrée là où ça devait. Éventuellement, ils ont ouvert par l'intérieur, et immédiatement, elle s'est réfugiée à l'intérieur. Donc, il y en a qui arrivent à passer la nuit dehors et qui survivent quand même. La belle histoire. Ouais. Et du coup, ça soit tel ou tel individu, c'est un peu par hasard aussi, j'imagine. Ah, oui, je voudrais pas parier parce que j'ai pas étudié ça, mais je pense que c'est les dernières fourmis qui étaient dehors. Quoi. Ah, ok. Alors, dans le cas de Forelius, d'après ce que dit le chercheur, c'est les dernières qui étaient en train de partir. Parce qu'en plus, ce qui est très surprenant chez Forelius, c'est qu'elles passent leur journée à construire le cratère autour de la colonie, et le soir, elles passent leur temps à reboucher le cratère qu'elles ont construit avec le sable. Et donc, il disait qu'en fait, celles qui construisaient le cratère la journée, c'était souvent celles qui se retrouvaient, qui sont les dernières à être rentrées, et qui finalement rebouchaient le cratère. Cette histoire de déterministe, de qu'est-ce qui va t'amener à être une citerne, qu'est-ce qui va t'amener à sortir fourrager, qu'est-ce qui va t'amener à fermer le nid, c'est tout le temps une interaction entre l'intérieur de la fourmi et le monde extérieur. Donc c'est ça, on peut dire, est-ce que c'est de la chance ou pas? Ça aurait pas pu être n'importe quelle fourmi et ce sera pas dans n'importe quelle situation. J'imagine que s'il y a suffisamment de fourmis citernes et qu'il n'y a pas beaucoup de fourrageurs qui cherchent à déposer leur nourriture, il n'y a aucune chance que les nouvelles recrues deviennent fourmis citernes. À l'inverse, une fourmi qui sort, parce qu'au début elle est affamée, vous pouvez aussi la voir sortir parce qu'il y a beaucoup de larves qui vont émettre un signal comme quoi les larves ont faim et vont se mettre à chercher des protéines pour les larves aussi. Et c'est ça aussi qui va la pousser dehors. Donc c'est toujours cette interaction entre la motivation intérieure qui fait que certaines vont sortir avant d'autres et aussi le stimulus extérieur qui fait que ça va sortir maintenant ou pas. Une fourmi qui rebouche le nid, il y en a plein qui creusent et effectivement au bout d'un moment on peut plus rentrer et c'est celles qui sont dehors qui vont rester dehors, mais c'est quand même celles qui étaient prêtes à creuser qui sont typiquement les fourrageuses expérimentées qui sont habituées à sortir, quoi. Donc c'est pas n'importe quelle fourmi non plus. Je ne peux pas m'empêcher de citer ce qui vient de paraître sur la chatroom. Il y a quelqu'un qui a l'histoire et cette anecdote de fourmi qui ferme la porte. On dit « Hodor oh, !» On aurait pu la faire, celle-ci. Oh là là, je regrette maintenant. C'est vrai. On aurait pu trop la faire. Mais ils sont très en forme dans la chatroom ce soir. Donc, bravo à eux. Ah oui, tu avais des considérations justement sur l'évolution, Clara. Oui, c'était une question un peu naïve parce que moi, tout ce qui est biologie, c'est là, je connais pas trop. Du coup, je cite la petite phrase hein, toutes les fourmis descendent des guêpes qui vivent solitaires. Donc les guêpes solitaires. Moi, je me suis posé la question du coup, le fait de vivre en groupe social, est-ce que c'est un comportement apparu indépendamment entre abeilles, guêpes et fourmis, ou il y a eu bien une branche d'évolution qui regroupe toutes les espèces entre guillemets sociales? Il est apparu plusieurs fois. Alors, chez les hyménoptères aussi, c'est des choses qui sont remises en cause, peut-être pas régulièrement, mais dans ma carrière, ça a été remis en cause plus d'une fois, quoi. Quand c'est apparu, comment, quelle est vraiment la branche, de quelle guêpe descendent les fourmis, même ça, c'est pas si clair que ça, bien que ça commence quand même à converger sur des choses assez stables. Mais effectivement, l'ancêtre des fourmis était une guêpe solitaire, et c'est pas sûr que dans la branche d'hyménoptères qui a amené aux fourmis, il y a déjà eu la socialité. La socialité a émergé plusieurs fois chez les hyménoptères, ça c'est sûr. Et pourquoi elle a émergé? Et là aussi, c'est des choses débattues. Une partie des choses qui facilitent l'émergence de la socialité chez les hyménoptères, c'est leur système de reproduction, qui fait que au sein, les sœurs sont très apparentées entre elles génétiquement. Et donc, il y a ces idées d'explication de l'altruisme qui est basée sur un égoïsme génétique un petit peu, qui fait que si on est apparenté, c'est plus facile d'évoluer quelque chose de collaboratif. Mais il y a aussi des hypothèses alternatives qui montrent que c'est simplement la construction d'un nid qui fait que ça incite à être rassemblé et qui va concentrer les interactions, qui peut aussi expliquer la socialité, qui est apparue chez les insectes plusieurs fois. On l'a aussi chez les thrips, comment on dit déjà les thrips en... Trips. En français, les thrips, ouais, c'est les thrips. Ou chez les termites qui sont de la famille des blattes, donc c'est apparu plusieurs fois. Et même chez des araignées. Alors pour rappel, les hyménoptères, c'est justement la grande famille ou le grand ordre dans lequel on a les abeilles, bourdons, guêpes solitaires ou non, et fourmis. Exactement. Et on a l'image de l'abeille sociale, alors qu'en réalité, la majorité des espèces d'abeilles sont solitaires. Tout à fait. Pareil pour les guêpes. Ouais. Moi, j'ai Non, je disais, je sais plus quel est le pourcentage d'espèces sociales dans le monde animal, mais il est ridicule. On doit être en dessous de 2%, je crois. Mais si on regarde en biomasse, l'espèce sociale représente peut-être 80%. Donc c'est à chaque fois des stratégies qui payent, quoi. Et on peut se poser la question, pourquoi en fait 100% des formicidés sont sociales? C'est vrai, on a trouvé aucune espèce solitaire. Donc est-ce que c'est le fait que... On peut se poser la question, parce que les abeilles, les guêpes, on voit plein de solitaires. Ouais. Et chez les isoptères, tous les termites en fait, chez les isoptères, on voit que toutes les espèces de termites sont sociales aussi. Alors est-ce que c'est lié au milieu de vie, puisque les deux sont des espèces qui gravitent au sol et les autres sont volantes, on peut se poser. Ouais. Le côté dispersion peut-être. Ouais, exactement. Est-ce que c'est plus facile de construire un nid aussi quand on est au sol ou pas? Je sais pas si quelqu'un s'est posé cette question. Faudrait voir. Est-ce qu'il y a des exemples de réversion, c'est-à-dire de guêpes sociales ou d'abeilles sociales qui sont redevenues solitaires? Je sais pas si vous avez des informations là-dessus. Il y a des espèces qui sont les deux, qui peuvent être sociales comme solitaires, c'est sûr. Mais qui auraient été originellement sociales et qui seraient devenues exclusivement solitaires, je sais pas. Ouais, j'ai pas d'idée claire. Je sais pas du tout. Il y en a qui sont soit l'un soit l'autre aussi au cours d'une vie parce que ça dépend des conditions environnementales. C'est dingue, ça. Des asociaux-sociaux, selon l'humeur. Et puis, c'est même dur de catégoriser solitaire ou social, parce qu'il y a plein de degrés intermédiaires. Il y a, par exemple, vous voyez toutes ces abeilles qui nichent très proches les unes des autres, avec parfois deux abeilles par nid, la plupart du temps une, mais toutes très regroupées, qui ont des intérêts à être ensemble. Alors, on a eu des noms, des subsociales, des communales, des grégaires. Donc, il y a toute une histoire de hiérarchie, c'est très dur à classifier, parce que c'est multidimensionnel, quoi. Et moi, pour terminer ma petite question, je voulais terminer entre désordre, chaos organisé, etc. Pour reprendre l'idée que du désordre apparaît quelque chose d'ordonné, justement. Et citer l'exemple des fourmis qui peuvent établir un pont de manière organisée pour passer une faille ou une cavité. Donc, si j'ai bien compris, c'est bien du désordre que les fourmis veulent aller plus rapidement dans un point donné, qu'un pont apparaît. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, là pour le coup, c'est que les écitons, elles voient pas très bien ces fourmis-là. Elles sont pas comme les fourmis légionnaires africaines où elles ont carrément plus les yeux, mais elles voient pas non plus très bien. Donc elles sont très liées aux phéromones de piste et donc elles grouillent. C'est vraiment un magma vivant. Et dans l'expérience de Simon Garnier, en fait, donc il a une espèce d'angle très aigu là, et donc il les force à faire un énorme détour. Et donc comme elles courent comme des dératées, il y a toujours une qui tombe un petit peu dans l'angle, et parce que c'est un petit peu, ça grouille, et puis du coup, elle reste collée là, et comme ça va très vite chez ces fourmis-là, il y en a une qui passe dessus, et elle devient vite un pont, et il y en a une autre qui va tomber, et ça va s'accumuler, ça va former un pont. Mais au départ, ça part d'un petit accident d'une fourmi qui a basculé sur le côté, qui se fait marcher dessus, parce qu'elle n'a pas le temps de remonter, parce qu'il y en a déjà qui lui marchent dessus, et finalement, elle va rester accrochée comme ça. Et en fait, ils voient très bien que s'ils enlèvent les fourmis, la première chose qu'elle fait, c'est se relever et partir, quoi. S'il y a un tout petit laps de seconde, il n'y a pas une fourmi qui marche dessus, elle se lève, et elle se... Donc c'est un exemple parfait que d'un petit chaos, d'un petit truc de chaotique, ça devient quelque chose d'organisé, une sorte de pont. Exactement. Bien organisé. Et puis c'est assez joli de voir aussi, moi l'expérience que j'adore de Simon Garnier, c'est il fait ce pont avec où il y a une distance entre deux fourmis, donc il y en a une qui tombe dans le vide, d'abord parce qu'elle essaye d'attraper puis elle n'y arrive pas, puis l'autre elle lui passe dessus parce qu'elle s'est quand même accrochée au passage, et donc en s'accrochant elle a quand même réduit la largeur de la faille, puis l'autre, et finalement elle réalise, et puis là lui il avec sa petite moulinette Simon, et il ouvre. la trappe, donc il casse le pont. Du coup, les fourmis, elles basculent dans le vide et c'est reparti. Et à chaque fois, il est allé jusqu'à 12 centimètres quand même. Et il a réussi à créer un pont comme ça. Et il y a une vidéo qui est très connue sur Internet. Vous cherchez Bridge et Ants. Et vous allez voir ces fourmis qui attaquent, je crois que c'est un nid de guêpe ou un nid de frelon, et qui forment un pont hallucinamment long. Je sais pas combien il fait, peut-être 2 mètres de long. C'est une corde de fourmis, quoi. Et alors après de ces comportements en fait de qui grouillent et de suivi de piste, on arrive à ces comportements qui peuvent paraître aberrants et qui sont liés souvent au milieu anthropisé qu'on va pas retrouver forcément dans la nature. Mais ces citons, par exemple, ces fourmis légionnaires en Amérique du Sud, on les voit des fois tourner en rond comme les mosh pits là dans les concerts de métal. Et en réalité, c'est parce que voilà, il y a pas d'infractuosité, c'est souvent sur des trottoirs parce que c'est des fourmis qui sont tellement qui dépendent tellement de la phéromone de piste. Il suffit qu'il y ait une fourmi qui ait fait l'erreur de tourner en rond, et ça arrive souvent, nous on le voit dans les manips, mais voilà, la fourmi a fait demi-tour parce qu'elle a choisi de faire demi-tour, et vous avez cette espèce d'emballement qui se forme, et elle forme des espèces de pistes en rond, et Schenerla, qui est un grand myrmécologue, avait observé ces fourmis tourner pendant des jours jusqu'à en mourir, quoi. Enfermées dans leurs nuages, enfermées dans leurs nuages, et il disait qu'en fait, c'est vraiment des comportements qui ne sont là que parce qu'elles sont dans des milieux anthropisés. Et que ça n'arrive pas dans la nature parce qu'il y a toujours une branche, un caillou, etc. pour casser un petit peu la spirale. Fantastique. Mais on le voit aussi en labo. Antoine a sûrement déjà vu ça. Nos fourmis, des fois, elles tournent en rond aussi dans les labos. C'est vrai? Ben oui, parce qu'en fait, les fourmis, elles sont pygmotactiques. Elles aiment bien suivre les bords. Et les fourmis d'Argentine, par exemple, elles pistent quoi qu'il advienne. Même si elles sont juste en train d'explorer le terrain, elles pistent. Donc, comme elles sont pygmotactiques, elles suivent le bord et puis elles pistent au long du bord. Et puis des fois, mais du coup, il y a les autres qui se joignent et on voit des rondes comme ça toute la journée. Les pauvres. Mais c'est lié à une contrainte environnementale que nous, on leur impose. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord, donc les spirales de la mort, c'est notre faute. Très bien. Ah, exactement. je vous propose de glisser vers la fin de cette interview. Je vous remercie d'ailleurs de votre participation à toutes ces questions. Il y a quelques petites questions qu'on se pose maintenant de plus d'ordre de la vulgarisation ou de recherche. Quelles sont vos futures thématiques de recherche et de vulgarisation? Est-ce que vous allez rester sur les fourmis, les blobs, envisager d'autres organismes ou même d'autres sujets de livres? Moi, pour ma part, du point de vue recherche, là, c'est bien avancé pour continuer dans la direction d'essayer de comprendre leur capacité d'orientation. Là, on a développé un outil au labo qui a pris du temps à développer, donc maintenant on est content de l'utiliser. On a un système de réalité virtuelle pour fourmis. Donc la fourmi est sur une petite boule à coussin d'air et elle est attachée, mais quand elle se déplace, ça déplace la boule. Et nous, on enregistre les déplacements de la boule, donc on peut déduire le chemin que doit prendre la fourmi. Et cette boule, et donc cette fourmi, est plongée dans un environnement, une arène de LED qui montre une image, par exemple, d'un environnement. Et on peut déplacer cette image en fonction du déplacement de la fourmi, de manière à lui faire croire qu'elle se déplace dans cet environnement virtuel. Et elles répondent très bien au stimulus visuel. Elles arrivent très bien à rentrer en connexion en boucle fermée avec cet environnement. Et du coup, l'idée, c'est de leur faire apprendre des routes comme elles font naturellement. Mais derrière, on peut manipuler l'environnement ou même la relation entre la fourmi et le mouvement de la fourmi et le mouvement de l'environnement pour essayer de comprendre un petit peu ces mécanismes. Ça ouvre la porte à plein de questions qu'on peut pas faire directement sur le terrain. Donc là, je pense qu'on va s'amuser encore quelques années avec ça. Ceci dit, je compte toujours retourner sur le terrain parce que c'est là où on a devant les yeux souvent des nouvelles idées, des nouvelles observations auxquelles on n'aurait jamais pensé en laboratoire. Donc ça peut continuer. Faut juste éviter de mettre son bras dans un arbre. Bien noté. Ouais, moi ça m'évoque tout de suite Ready Player One ou même les plateaux de tournage de Mandalorian là où ils avaient fait justement toute une arène. Exactement. Ah bah sympa. J'aimerais bien être une fourmi. Hein, ça doit être sympa. Juste, comment vous les attachez du coup? Alors on a développé une petite attache. Qui au bout, alors c'est assez compliqué. Donc l'idée venait d'un chercheur allemand qui est très minutieux et on l'a un petit peu upgradé. Maintenant ça marche très bien. Donc on a un petit tube en verre, donc c'est des capillaires. Vous voyez, c'est ce petit tube très fin dans lequel on fait passer une toute petite tige en méthane qui peut donc monter et descendre. On met un tout petit drapeau en scotch qui fait qu'elle peut pas tomber, mais elle peut monter et descendre. À la fin de cette tige, on a un fil dentaire divisé pour qu'il soit encore plus fin que du fil dentaire, d'à peu près un demi millimètre de long, sur lequel on colle un aimant. Un micro-aimant. Donc vous avez l'aimant, il est très flexible. si vous voyez, au bout de son fil dentaire. Et il suffit de mettre un point de peinture ferreuse, par exemple, sur le thorax de la fourmi, et vous arrivez avec votre hameçon, elle est accrochée. Et ensuite, vous la placez sur la boule, et voilà. Elle se met à, je vois, ingénieux. Parce que j'avais vu d'autres setups, mais sur des mouches ou sur d'autres insectes, et ça avait l'air d'être beaucoup plus invasif. Là, le truc qui est génial, c'est qu'on peut l'accrocher, la décrocher très rapidement, et surtout, elle peut faire des rotations physiques sur elle-même. Donc, en fait, la boule peut translater dans toutes les directions, mais on l'empêche de faire des rotations sur le plan horizontal avec deux petites roulettes qui sont sur les côtés et qui la touchent sur le plan équatorial. Ce qui fait que la boule est coincée comme ça. Donc, quand la fourmi cherche à tourner, c'est elle physiquement qui tourne, mais quand elle cherche à avancer, reculer ou se déplacer, là, c'est la boule qui tourne. Ouais, ça marche très bien, elles sont contentes, ouais. Donc on est parti sur au moins plein de recherches sur les fourmis et sur l'aspect vulgarisation. Vous avez envie de raconter d'autres histoires ou qu'est-ce que... J'ai pas pris le temps encore de réfléchir, mais l'aventure a été sympa, donc pourquoi pas à l'avenir, ouais. Et vous, Audrey? Alors sur les fourmis, là, j'avoue que j'ai un peu, ça fait un an là maintenant que je travaille plus sur les fourmis à Toulouse. Hein, en fait, mm-hmm. J'ai quand même une thésarde en Allemagne. Travaille sur les fourmis. Oui. Ces dernières années, en fait, j'avais beaucoup travaillé sur la nutrition collective. D'accord. Comment, en fait, c'est bien beau d'aller chercher de la nourriture dehors, mais comment savoir quoi ramener à qui? Et comment, en fait, l'état nutritionnel de la colonie, des 90% qui sont donnés, influence, en fait, ce que vont chercher les fourmis à l'extérieur. Et c'est très rigolo à faire parce qu'on peut créer des manipulations en mettant des affamés en protéines, des affamés en sucre, etc. Et aussi le rôle, le deuxième projet que j'ai avec un étudiant qui est à Copenhague, qui est sur le rôle qu'a joué justement ces fourmis qui sont très plastiques nutritionnellement, qui sont comme nous, qui mangent tout et n'importe quoi, et qui finalement, on voit qu'il y a une corrélation entre ça et la capacité à être des fourmis invasives. D'accord. Donc parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fourmis d'Argentine. D'accord. Ces fourmis invasives. Et donc sur le blob, là, par contre, il y a beaucoup plus de champs de recherche actuellement, parce que c'est ce qui m'occupe 170% de mon temps. Donc là, on travaille sur l'apprentissage et la résolution de problèmes chez des organismes qui ont pas de système nerveux, et on commence à devenir de plus en plus nombreux, en fait, au niveau international, à se poser ces questions-là sur les organismes unicellulaires, comment ils arrivent à conserver de l'information, retenir de l'information, comment les expériences passées sur ces organismes vont influencer leur comportement. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est hyper riche, hyper intéressant. C'est des gens, en plus, qui viennent pas forcément de ce milieu-là, qui viennent des neurosciences, qui se réintéressent aux ciliés, par exemple. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est le sujet de recherche qui m'excite le plus en ce moment. Et en termes de vulgarisation, ben c'est là, voilà, là on est dedans là en ce moment, puisqu'on mène un projet avec 15 000 citoyens actuellement, où on regarde les effets des changements de température sur le blob. Et donc, c'est un projet de science participative qui est assez inédit, dans le sens où c'est la première fois où on va accompagner des citoyens de l'hypothèse, la question qu'on se pose, l'élaboration du protocole, l'expérimentation, parce que là, les gens, ils expérimentent, ils vont pas juste observer, collecter les données, ils vont aussi analyser les données et on va même leur montrer comment on publie. Donc l'idée, c'est même de faire un événement Zoom sur la soumission, où on va tous se connecter, leur expliquer, et même analyser avec eux les reviews. Donc on va leur traduire, bien sûr, pour expliquer, ben voilà, comment ça se passe? Et des fois, les gens sont pas hyper sympas avec nous. On dit, ah, mais votre travail est pourri. Et donc, voir, essayer d'expliquer aux citoyens, en fait, le métier de chercheur. Donc ça, c'était un des objectifs. L'objectif, c'est bien sûr d'accumuler des connaissances sur ces effets de changement de température. Et c'est aussi de recréer un lien entre le chercheur et les citoyens. Je pense que c'est important. Et donc, voilà. Et en termes de livres, j'ai un livre qui sort à l'automne. J'espère, parce que je peux pas faire fini. qui s'appelle, le titre est pas encore fixé, mais c'est sur le blog. On essaye de toucher un public de gens qui lisent moins. Et donc, c'est un roman graphique. Ah, top. Il y a un petit peu de la BD. Il y a beaucoup de textes quand même. Il est, alors, à la fois scientifiquement plus élevé que le premier, mais à la fois, c'est le blog qui raconte sa vie. Donc, c'est le blog qui se raconte et qui raconte sa biologie, etc. Et donc on suit ce blob qui raconte un peu ses aventures et qui raconte aussi beaucoup de biologie au passage. Et ensuite j'ai un autre livre, mais ça c'est pour dans 2 ans, je suis un peu en retard, qui est sur les insectes envahisseurs. Top. Bon bah et, rien de bon. Voilà. Demain 16h quoi. C'est ça, voilà. Donc plein de projets, toujours plein de projets autour de tout. Et sur la médiation est toujours au centre. Bah ça fait bien plaisir en tout cas. On finit avec nos questions habituelles quand on fait des interviews sur Podcast Science, c'est qu'on a piqué à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique. La première, c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous êtes lassé? Je pense que ça c'est clair, hein, comment on fait pour se débarrasser des fourmis, comment on dit. La deuxième, c'est ça. La deuxième, c'est est-ce que tu as lu Bernard Werber, qui revient quand même. Alors c'est magnifique parce que je viens juste avant de vous poser des questions de barrer ma question sur Bernard Werber. Allez hop, celle-là on la saute. La deuxième question après, comment on s'en débarrasse? La troisième, à quoi ça sert? À quoi ça sert une fourmi? Moi c'est celle-là que je déteste le plus. D'accord. À quoi ça sert tout? La recherche. À quoi ça sert le blob? À quoi ça sert les fourmis? À quoi ça sert vos recherches? Ça c'est toujours un peu frustrant, mais bon. Ah, je comprends. Et du coup, quelle est la question que l'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez intéressante de développer? Bonne question, ça. Bah, il y déjà, en a tellement, en fait, comment choisir une? C'est peut-être cette question-là, en fait. c'est pour ça qu'on la pose, parce que généralement, ça commence à se... Ouais, il y a des choses... La plus intéressante, c'est celle où on ne connaît pas la réponse, hein. C'est clair. Là, l'idée de la réversion sociale, sociale vers solitaire, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et je commençais à réfléchir, est-ce que c'est parce qu'il y a des contraintes, ou est-ce que c'est parce que c'est tellement bien d'être social? Enfin, c'est une très bonne question. C'est celle dont on connaît pas la réponse. Très bien. C'est ça, parce que par exemple, dans le système nerveux, c'est arrivé que des organismes, des animaux perdent le système nerveux. Ils l'avaient non plus, les placozoaires. Et donc, peut-être que la socialité, il y a des animaux qui ont essayé, ils ont dit, ah non, c'était pas top. On revient en arrière. Très bien. Et bien sur ce, je vous avais demandé, comme tous les invités de Podcast Science, de venir avec une citation, et je crois que vous vous êtes mis d'accord. Reste à savoir la personne qui va pouvoir citer le big boss de la biologie. Alors, qui nous lit cette citation? Ah, c'est Antoine, parce que c'est Antoine qui l'a trouvée. Très bien. Oui, mais je sais pas où elle est. Alors, Antoine, si tu défiles le... Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Alors, c'est donc Charles Darwin dans La descente de l'homme, qui aurait dû être traduit, d'après certains, par L'ascendance de l'homme, parce que c'est bien ça qu'il veut dire, quand il parle de la continuité entre les animaux et l'humain, qui finalement parle des fourmis. Et je cite, « Personne ne peut supposer que l'intelligence de deux animaux ou de deux hommes quelconques puisse être exactement jaugée par la capacité de leur crâne. Il est certain qu'une très petite masse absolue de substances nerveuses peut développer une très grande activité mentale. À ce dernier point de vue, le cerveau d'une fourmi est un des plus merveilleux atomes de matière qu'on puisse concevoir, peut-être même plus merveilleux encore que le cerveau de l'homme. » Voilà. En 1860 et quelques. Pas mal. Pas mal, Charles. Très bien fait. Eh bien, sur ce, nous allons conclure sur ces bonnes paroles. Nous remercions donc nos deux invités qui, à l'instar de fourmis éclaireuses, nous ont laissé une belle piste de vulgarisation pour nous orienter dans les galeries ramifiées de l'immense thématique du comportement des fourmis. Nous vous remercions également, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Et en attendant votre prochaine trophalaxie de miella scientifique, nous vous rappelons que servir la science soit votre joie. We'll be right back.